Bonsoir chez vous, bienvenue pour la Radar du Sport. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, très heureux de vous retrouver. On est le lundi 6 mai et on est ensemble jusqu'à 22h30 avec un beau programme encore ce soir qu'on va débriefer et qu'on va vous présenter dans un instant avec beaucoup de choses encore, avec Hugo qui sera avec nous aussi dans une demi-heure comme d'habitude hein, pour la page foot. Le programme donc justement de cette page foot, on aura bien sûr le débrief de la Ligue des Champions avec les demi-finales aller. On reviendra sur la défaite du Paris Saint-Germain 2-1 donc face au Borussia Dortmund. On reviendra aussi sur l'autre affiche entre le Real et le Bayern, 2-2, belle affiche aussi. Et puis on reviendra bien entendu avec aussi l'Olympique de Marseille en Ligue Europa, tenu en échec, mais en tout cas toujours en vie dans cette demi-finale de Ligue Europa. Tout est encore possible donc. Et puis bien sûr on reviendra aussi sur tout ce qui s'est passé dans les championnats ce week-end avec en Ligue 1 pas mal de mouvements encore. On y reviendra, que ce soit pour l'Europe, que ce soit pour le maintien, on y reviendra. Et puis un match qu'on suivra en direct aussi bien sûr ce soir, ce sera Lille-Lyon dans une demi-heure. Ça c'est soir pour le foot, avec bien sûr aussi tout ce qui s'est passé à l'étranger, la course au titre en Angleterre où pour l'instant ça n'a pas bougé. Voilà le programme de foot. On aura aussi du rugby avec la Coupe d'Europe, Toulouse en finale de la Champions Cup après sa victoire, sa belle victoire on peut le dire, face au Harlequins, et ils affronteront le Leinster en finale, une grosse finale encore une fois. Et malheureusement Clermont n'a pas réussi à faire la même chose dans la Challenge Cup, battu après un scénario fou par les Sharks d'Afrique du Sud. Donc malheureusement pas de représentant français en finale de la Challenge Cup. On aura du tennis aussi avec la victoire d'André Rublev donc hier à Madrid, au Master 1000 de Madrid. S'est imposé hier en battant dans une belle finale hein, Félix Auger-Aliassime. C'est le Russe qui s'impose. Et puis chez les dames, on y reviendra, c'est la numéro mondial Gaziantep qui s'est imposé. Et puis cette semaine bien sûr Rome au programme avec le retour de Novak Djokovic qui sera présent, Rafa Nadal aussi évidemment, et puis par ailleurs l'absence et le forfait de Carlos Alcaraz et de Jannik Sinner. On y reviendra bien sûr tout à l'heure. Autre sujet aussi ce soir, du basket avec l'OLB battu pour l'avant-dernière journée de saison régulière en Pro B, pas d'incidence, l'Orléans reste quatrième et va jouer une dernière fois sans incidence cette fois-ci ce week-end pour le dernier match de saison régulière, et ensuite on attaquera bien sûr les playoffs, on en reparlera tout à l'heure. Et en Euroleague en revanche, Monaco toujours en vie et qui est revenu à deux matchs partout dans son quart de finale et qui pourra encore espérer lors du dernier match cette semaine à domicile se qualifier pour le Final Four. On y reviendra aussi dans quelques minutes. Autre actualité, c'est la Formule 1 avec la victoire hier dans le Grand Prix de Miami de Lando Norris, première victoire en Grand Prix en carrière, qui a bénéficié des conditions favorables, notamment avec une safety car qui en a profité pour s'imposer. Et Max Verstappen lui termine deuxième. On y reviendra juste dans quelques secondes sur ce Grand Prix. Voilà le programme, donc beaucoup de choses, je vous l'ai dit. On aura Hugo qui nous rejoindra dans une demi-heure pour débriefer la page foot. Et puis d'ici là, on va débriefer tout le reste du multisport jusque là, avec des directs qui vont nous accompagner. Je le disais, Lille-Lyon. Et à partir de 21h, c'est le dernier match de la 32e journée de Ligue 1, avec des enjeux hein, pour Lille évidemment, c'est de rester accroché au podium composé de Monaco et de Brest, et puis Lyon bah, qui peut toujours espérer aller accrocher une place européenne. Pour ça il faut absolument gagner pour rester dans la course et y croire jusqu'au bout. Autre match en 21h, ce sera l'Angleterre, la 36e journée. Crystal Palace, 14e, reçoit Manchester United. Voilà, donc ce sera dans maintenant un peu moins d'une demi-heure pour cette affiche en première ligue. L'Italie aussi au programme dans maintenant un quart d'heure, même pas 10 minutes, entre Udinese, 18e, qui joue le maintien, et le Napoli, 9e, qui peut toujours croire à l'Europe. Là aussi, il y a beaucoup d'enjeux dans ce match. Alors qu'un petit peu plus tôt dans la soirée, c'est l'Atalanta Bergame qui s'est imposé 2-1. On rappelle l'adversaire de Marseille en Coupe d'Europe jeudi, eh bien qui s'est imposé face à la Salernitana, la Lanterne Rouge. Donc 2-1 et qui voilà est prêt avant ce match retour. Voilà les trois directs que l'on va suivre. Donc Ligue 1, pour assez rarement d'ailleurs pour un lundi soir. Tant mieux, ça va permettre de suivre cette belle rencontre, l'Angleterre et puis l'Italie. Voilà le programme de cette soirée et de ces fils rouges. Une première pause et on revient dans la foulée pour débriefer tout le multisport jusqu'à 21h. On enchaînera et ensuite on aura Hugo avec nous et beaucoup de choses à dire pour le foot. On parlera aussi des pronostics loto-foot bien sûr pour terminer. Donc en fin d'émission, voilà le programme qui vous attend. On est ensemble jusqu'à 22h30. On démarre avec une première pause et on se retrouve juste après pour démarrer. C'est Cyril tout de suite que l'on écoute avec Stumbling In. À tout de suite sur Arc-en-Ciel, il est 20h36. C'est Cyril avec Stumbling In à l'instant pour cette première pause. Et on est de retour bien pour lancer cette émission avec, je vous le disais, un programme assez conséquent. Beaucoup de choses encore ce soir. On va démarrer avec la Formule 1. C'était hier soir d'ailleurs, le Grand Prix de Miami qui revenait déjà l'année passée au calendrier de la saison. Victoire surprise, on peut le dire, de Lando Norris sur McLaren. Le Britannique s'est imposé, notamment en bénéfiant de conditions de course, la sortie d'une safety car qu'il a beaucoup avantagé. Il a pu en profiter, tant mieux pour lui. Il s'impose devant Max Verstappen sur Red Bull. Et puis Charles Leclerc termine lui troisième sur Ferrari. À noter que les Français sont un peu plus loin. Dixième pour Esteban Ocon qui marque les premiers points pour Alpine. Et puis Pierre Gasly lui termine douzième. Au classement, pas de conséquences puisque Max Verstappen reste largement en tête avec 136 points. Sergio Pérez, deuxième, 103 points. Et puis Charles Leclerc complète le podium avec 98 points chez les constructeurs. Évidemment, Red Bull est déjà largement en tête. La suite du programme nous ramènera en Europe avec l'Italie au programme. Ce sera le 19 mai prochain, donc là il y a une grosse trêve évidemment, il faut revenir des États-Unis, donc ce sera seulement le 19 mai prochain cette course. Et ensuite on va enchaîner toutes les courses en Europe. Il y aura Monaco ensuite, il y aura le Canada, il y aura l'Espagne, il y aura l'Autriche, la Grande-Bretagne. Voilà, on va démarrer la grande période européenne, hormis le Grand Prix du Canada, mais sinon tout le reste sera en Europe jusqu'au début de l'été d'ailleurs, hein. Donc il va se passer encore beaucoup de choses. Et puis il y aura un autre Grand Prix en Italie, hein. Là c'est celui d'Emilie Romagne, mais il y aura celui de Monza bien sûr, qui aura lieu durant septembre prochain. Donc deux rendez-vous italiens sur cette édition. Voilà la Formule 1. On va poursuivre avec la MotoGP, avec le retour, pas cette semaine mais dimanche c'est le Grand Prix de France sur le circuit du Mans, donc beaucoup de mouvements ce week-end évidemment, ça va beaucoup bouger, hein, les motos qui vont aller direction Le Mans pour cette nouvelle édition du Grand Prix de France dimanche. On rappelle, pour le moment c'est toujours Jorge Martin, l'Espagnol, qui domine cette saison. Voilà pour les rendez-vous mécaniques du week-end, donc dimanche rendez-vous au Mans pour le Grand Prix de MotoGP. Et puis sinon en rallye, championnat du monde des rallyes WRC, étape au Portugal, ce sera à partir de jeudi jusqu'à dimanche, donc rallye du Portugal pour cette quatrième manche de la saison. On va poursuivre et passer sur tout à fait autre chose. Un petit mot tiens de cyclisme pour le Giro qui a démarré ce week-end, ça y est. Le Giro, hein, avec un grandissime favori. Et évidemment, c'est Tadej Pogacar, hein, qui l'a annoncé, hein. Il veut s'imposer dans le Giro et également sur le Tour de France dans la foulée pour essayer de faire le doublé. Pour le moment, c'est lui qui est en tête, hein, le Slovaque déjà largement. Alors il a pas pu remporter la première étape samedi puisqu'il a été battu sur le sprint, mais en revanche il s'est imposé hier assez largement d'ailleurs, hein. Il est parti très très tôt et il a pu s'imposer assez largement d'ailleurs donc sur cette étape. Et puis aujourd'hui c'était une étape un peu plus plate, hein, avec notamment la victoire du Belge Merlier qui s'est imposé sur le sprint. Voilà, il y a eu un sprint avec beaucoup de pas mal de cyclistes d'ailleurs, mais pour le moment c'est toujours, hein, le Slovaque qui domine. Il y a déjà, hein, 46 secondes d'avance, ce qui est déjà énorme. C'est la deuxième place pour Geraint Thomas le Britannique, et puis Martinez derrière, le Colombien, troisième à 47 secondes. Voilà, on retrouve les Français assez loin, avec notamment Alex Baudin pour le moment 13e à 1,40. Décathlon des Jeux de la mondiale. Mais pour l'instant, Pogacar qui est bien, qui est vraiment en jambes pour ce Giro, et il a tout à fait les possibilités évidemment de s'imposer largement. Demain, nouvelle étape longue de 190 km. Voilà pour les cyclistes, donc avec une étape assez plate là aussi sur cette cinquième étape, donc aura lieu demain. Voilà la petite parenthèse cyclisme avec donc le Giro. On refera un point évidemment lundi prochain. Du handball, on n'en a pas parlé dans le sommaire, mais bien sûr du handball, pour évoquer la saison au Saran, hein, qui va bientôt se clôturer. Il reste encore trois journées qui vont être déterminantes évidemment pour le maintien. On rappelle, ce week-end c'était hier la réception de Montpellier. Alors, il n'y a pas eu de surprise, défaite 33-27, mais ils ont quand même bien tenu les Saranais, mais battu assez logiquement face au troisième du championnat. Notez que Paris s'est imposé aussi largement face à Dijon, la Lanterne Rouge, 38-31. Et dans la bataille du maintien, eh bien Chartres, Créteil a pris un point très important du côté de Limoges, puisque ça permet à Créteil de revenir tout simplement à hauteur de Saran. On rappelle le classement, donc 16e c'est Dijon, dernier avec 10 points, qui pour l'instant est en en tout cas en passe de redescendre, hein, voilà, qui est dans une mauvaise position, puisque Créteil et Saran sont à 13 points, donc il y a 3 points de retard. Donc pour l'instant c'est Saran qui mène, qui est devant Créteil, même si les points sont identiques. On rappelle que derrière, le critère qui est important, c'est les confrontations directes. Alors il y a eu 2 matchs nuls dans les confrontations avec Créteil, mais derrière c'est le nombre de buts marqués à l'extérieur qui compte, et Saran qui a marqué plus à l'extérieur que Créteil, donc pour cette raison là que Saran est devant. Mais ça se joue vraiment à peu de choses. Il va falloir vraiment se battre jusqu'au bout. Et puis Ivry qui rentre dans la course au maintien aussi, puisque Ivry a 14 points. Voilà, donc on va devoir se retrouver ces 3-là dans la course. Chartres est un petit peu plus à l'abri avec 17 points au-dessus. Mais il va rester donc 3 journées très importantes. La première, c'est ce week-end, donc dès jeudi. C'est Ivry qui va ouvrir le bal avec la réception de Chartres, hein, qui est juste devant. Voilà, si nos amis de Chartres peuvent me donner un coup de main aux petits gars de la région, ce serait sympa de battre Ivry pour essayer de rester au contact. Saran se déplacera à Chambéry vendredi soir. Chambéry 8e, donc une belle opportunité pour Saran. Et puis Dijon, d'abord Créteil qui va se déplacer à Cesson-Rennes, 11e, donc là aussi c'est une opportunité pour Créteil. Et puis Dijon, Créteil ira à Saint-Raphaël, pardon, qui est 9e. C'est Dijon qui ira à Cesson-Rennes. Voilà, donc des adversaires plutôt de milieu de tableau. Voilà, il faudra essayer de s'imposer pour peut-être faire la différence. Ce serait intéressant. Ensuite, on aura le déplacement à Chartres pour Saran, qui sera déterminant face à Chartres, donc le derby. Ce sera la semaine prochaine. Et puis l'ultime journée, ce sera la rencontre face à Ivry, qui sera peut-être décisive. Voilà, donc trois matchs pour se maintenir et rester en Star League la saison prochaine. Voilà l'objectif donc de Saran dans cette fin de saison. Autre compétition, c'est la Ligue des Champions avec ça y est, c'est déjà fini pour nos clubs français. Les deux clubs battus, si Paris, il n'y a pas eu de suspense, hein, battu largement à l'aller, hein, 30-22 face au FC Barcelone. Il n'y a pas eu de surprise au retour non plus. Victoire du Barça 32-31. Donc pas de surprise. Paris qui s'incline dès les quarts de finale. En revanche, déception, énorme déception pour Montpellier, qui avait fait largement le boulot à l'aller. 39-30 victoire face à Kiel. Et malheureusement, au retour, Montpellier qui a complètement craqué en fin de match et qui s'incline 31-21, qui perd de 10 points. Et qui donc, s'incline tout simplement dans cette rencontre et qui est éliminé dès les quarts de finale. Donc c'est fini déjà pour nos clubs français dans cette Ligue des Champions. Donc on trouve Barcelone dans le Final Four aux côtés de Westprem, de Kiel et de Magdebourg. Voilà les 4 qualifiés pour la phase finale. Chez les dames, en revanche, Metz est passé et qualifié après 2 victoires probantes d'ailleurs face à Bucarest, donc 2 victoires, ça passe pour Metz, qui va retrouver le club de Esberg, de Gior, pardon, et également de Bietigheim, les Allemands. Donc voilà les 3 autres adversaires potentiels de Metz. Donc le tirage au sort aura lieu dans quelques semaines, juste avant les demi-finales qui auront lieu le 1er, en tout cas le Final Four qui aura lieu le week-end du 1er et 2 juin. Voilà, donc on a hâte d'y être pour les Messines, qui peut encore espérer s'imposer et réaliser le doublé, puisqu'on rappelle en championnat largement en tête, hein, pour l'instant c'est les Brestoises donc qui peuvent aller chercher le titre. Metz devra probablement se contenter de la Ligue des Champions, hein, et pour ça il faudra faire la belle affiche dans ce Final Four. Donc on a hâte d'y être pour les Messines, aller chercher ce titre chez les dames. Alors qu'on rappelle également que pour le moment c'est Metz aussi qui est en finale de Coupe de France, hein, la finale qui aura lieu le 18 mai prochain. Elles affronteront les Dijonnaises pour un titre déjà dans la saison, avant peut-être un deuxième, on l'espère en tout cas. Voilà pour la page handball, donc ça rend, mais on y reviendra, mais grosse affiche ce week-end déjà, première des grosses affiches. On poursuit avec tout à fait autre chose. On va enchaîner avec du basket, voilà, puisqu'on était sur les parquets, on va y rester avec d'abord on va parler d'Orléans, bien sûr. L'OLB battu largement hier, hein, c'était à la Comet Arena par Boulazac, 3e 90-74, hein, Zorniak était encore dans le coup dans le troisième quart-temps, mais qu'on craquait ensuite dans le dernier quart-temps et largement battu. Pas de suspense du coup dans ce dernier carton et en revanche pas de regret, Orléans reste quatrième, il restera quatrième quoi qu'il arrive, mais en tout cas il y avait une possibilité d'aller chercher la troisième place du podium, ça ne sera pas le cas, il restera une rencontre quand même pour Orléans, réception de Aix-Maurienne, quinzième du classement, il n'y a plus, aura plus d'enjeu ni pour la première ni la deuxième place d'ailleurs, donc La Rochelle terminera en tête, Vichy clairement deuxième, Boulazac finira troisième à Orléans, quoi qu'il arrive terminera quatrième même en cas de défaite hein, lors de la dernière rencontre. Rouen, Chalon sont en bonne passe aussi pour se qualifier, alors que Pau et pour la Corthèse peut encore espérer chercher les playoffs. Et puis les playoffs qui s'enchaîneront. On vous refera le point et le programme la semaine prochaine hein, quand tout sera clôturé. Vendredi, ce sera à domicile hein, pour Orléans, réception de l'Aix-Maurienne à la Comet Arena vendredi à 20h. En petite qualité, là aussi la saison arrive bientôt à son terme. Monaco reste un solide leader malgré sa défaite donc hier face à Cholet. Alors défaite qui peut s'expliquer évidemment par, on y reviendra, mais le gros combat en Euroleague hein, des Monégasques, mais qui voilà reste leader. Il restera une affiche donc ce week-end samedi pour clôturer la saison régulière et ensuite bah, place là aussi au play-off avec pour l'instant donc Monaco, Paris, Asvel, Bourg-en-Bresse, Nanterre, Le Portel qualifié et les autres peuvent encore se qualifier bien sûr pour la phase finale de cette Beclic Elite. Je le disais en Euroleague, un gros combat pour Monaco qui a été chercher un match 4, un match 5 pardon, après sa victoire dans un match fou, hein, étouffant, qui a été battre Fenerbahçe à l'extérieur 65-62. Monaco aura le droit à un match 5 à domicile et cette affiche ce sera mercredi à 19h. Ça va être incroyable cette affiche pour essayer d'aller chercher le Final Four. Il faudra gagner cette rencontre tout simplement pour aller Monégasque. Donc samedi mercredi à 19h. Dans les autres affiches, le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée de l'équipe de Vitoria. Victoire 3-0, donc ça passe largement pour le Real Madrid. Et dans les autres affiches, là aussi, il y aura des matchs 5 entre le Panathinaikos et le Maccabi Tel Aviv et entre le FC Barcelone et l'Olympiakos. Là aussi, il faudra passer par un match 5 qu'auront lieu ces matchs-là donc demain et mercredi hein, pour les deux affiches. Donc voilà, Monaco en vit encore et on espère bien sûr le Final Four pour cette équipe de Monaco. Et enfin, NBA, là aussi, on y revient avec les maintenant les demi-finales, ça y est, de conférence, puisqu'on connaît tous les qualifiés, ça y est, tout le monde, tout est terminé. À l'Ouest, ça a déjà démarré, où les Minnesota Timberwolves mène un match à zéro face à Denver. C'était la nuit dernière, d'ailleurs, victoire 106-99. L'autre affiche de cette demi-finale à l'Ouest hein, opposeront Oklahoma City et Dallas. Et puis à l'Est, on aura New York Knicks face à Indiana et on aura dans l'autre demi-finale Boston face à Cleveland. D'ailleurs, il y aura des matchs qui auront lieu cette nuit entre New York et Indiana, donc à 1h30 du matin. C'est Beansport 1 pour suivre la rencontre. Et de l'autre côté, eh bien, ce sera le match 2 entre Denver et Minnesota. Voilà, on a pu démarrer en avance. Bah, du coup, on va pouvoir enchaîner, dès cette nuit, le deuxième match de cette série. Voilà le point en NBA. Ce qu'on pouvait vous dire. Et puis, le point au basket général. Tout ce qu'on pouvait vous donner comme info ce soir. Les directs, c'est parti, hein, ça y est, depuis un peu moins de 10 minutes, du côté de la Serie A, ça se passe entre Udinese et Napoli, je le disais, hein, des enjeux pour tout le monde. Udinese peut, en cas de victoire, en tous les cas, se rapprocher du maintien, en tout cas retrouver Empoli qui est 17e, donc ce sera l'objectif pour Udinese. Et puis pour Napoli, évidemment, une victoire pourrait permettre de se rapprocher un tout petit peu de la 7e place, hein, place qualificative pour l'Europe. Pour ça, il faudra au moins prendre les 3 points ce soir et se rapprocher à 3 points de la Lazio qui est 7e. Deux objectifs différents pour ces deux équipes Et le match a démarré depuis 10 minutes. Pas de but pour l'instant. 0-0 donc on s'affiche. Et puis maintenant 5 minutes, ça partira entre Lille et Lyon en Ligue 1 et entre Crystal Palace et Manchester United. Donc en première ligue. Et puis pour l'Italie, donc Bein Sport 1 pour suivre cette affiche. Alors que pour la Ligue 1, ce sera Prime Video et bien sûr Canal Plus Foot pour la première ligue. On enchaîne maintenant avec du rugby. Là aussi, il était question de Coupe d'Europe pour deux clubs français qui étaient engagés, à savoir Toulouse, qui s'est qualifié pour la finale de la Champions Cup en s'imposant face aux Harlequins 38-26. 6 essais quand même du côté de Toulouse, avec notamment 2 essais signés Antoine Dupont, qui a encore été énorme sur cette affiche. On notait que les Harlequins sont bien revenus en deuxième période, mais Toulouse, qui ne s'est pas fait peur et qui finalement a remarqué un dernier essai pour se mettre à l'abri et s'imposer dans cette affiche, alors que dans l'autre match, le Leinster s'est qualifié, ça n'a pas été simple non plus, face à Northampton, 20-17. Et qualification du coup Leinster, une belle affiche à Leinster-Toulouse. Un classique, surtout en demi-finale ces dernières années, où très souvent les Leinster avaient privé les Toulousains de finale. Cette fois, ce sera une affiche de finale. Donc Leinster-Toulouse, ce sera le 25 mai prochain. Et ce sera donc au stade de Tottenham cette année que cette affiche aura lieu. Donc belle affiche qu'attendent nos Toulousains, donc 25 mai prochain. Dans l'autre compétition, malheureusement, Clermont n'a pas réussi à s'imposer face aux Sharks d'Afrique du Sud. Cruelle déception, Clermont qui menait largement d'ailleurs, et qui a pris 2 essais dans les 20 dernières minutes, qui a crucifié tout simplement les Clermontois. Puis défaite 32-31 et sur le fil vraiment cette défaite, beaucoup d'indiscipline du côté de Clermont qui probablement leur a coûté le match, et malheureusement ça s'arrête là pour Clermont cette année. La finale donc opposera les Sharks à Gloucester, qui de leur côté ont battu l'Italien de Trévise 40-23, et ce sera donc la veille, le 24 mai, cette finale de Challenge Cup, et elle aura lieu également à Tottenham. Voilà pour le rugby. Retour du top 14 ce week-end. Il restera encore 4 journées. Encore 4 journées. Pas de chamboulement pour l'instant. Dans ce classement, on retrouve le Stade français toujours leader à côté de Toulouse deuxième. Bordeaux-Bègles ensuite. Le Racing, La Rochelle, Toulon pour l'instant, c'est ceux qui sont qualifiés pour les playoffs. Peuvent encore y prétendre Perpignan, Castres et Pau, a priori qui devraient encore possiblement aller chercher cette place. Ce week-end, donc retour du top 14 avec samedi soir Bordeaux-Bègles, La Rochelle. Belle affiche pour le top 6. Et puis dans le match de dimanche, ce sera une superbe affiche entre Toulouse et le Stade français. Voilà, le Stade français le Toulouse qui peut peut-être, en cas de victoire, repasser premier. Voilà ce qui sera peut-être la belle affiche de dimanche, donc à suivre entre Toulousain et le Stade français. Voilà pour le rugby, ce qu'on pouvait vous donner comme info ce soir. Et on va terminer avec du tennis avant bien sûr de marquer une pause et de retrouver Hugo pour le foot. Notez qu'hier, la victoire dans le Master 1000 de Madrid, donc de Andrei Rublev, le Russe, qui s'est imposé, belle affiche, en finale, il s'est défait de Félix Auger-Aliassime en 3 manches, 4-6, 7-5, 7-5, voilà, belle affiche, belle finale, près de 3 heures de jeu, malheureusement une double faute pour finir la rencontre, mais en tout cas, belle victoire en Canadien, qui avait d'ailleurs pas joué beaucoup sur ce tournoi, qui a bénéficié d'un forfait et de 2 abandons, donc il a pas joué beaucoup, mais ça n'a pas été bénéfique, en tout cas en finale, il avait peut-être moins de temps de jeu, et ça s'est en tout cas peut-être vu sur cette rencontre face à Rublev, qui s'impose donc dans les 3 manches. Dans l'autre finale, dame, belle affiche aussi, qui a été très longue aussi, plus de 3h12 de jeu, c'est la numéro 1 mondiale qui a affronté la numéro 2 mondiale. Voilà, c'était la belle affiche entre Gaziantep, la polonaise, et Aryna Sabalenka, la biélorusse. Le score 7-5, 4-6, 7-6, un tie-break jusqu'au bout de la nuit, et c'est la numéro 1 mondiale qui fait parler la logique, la hiérarchie, donc il s'impose dans ce Master de Madrid. Les classements, bah, très peu de changements, si ce n'est que Yannick Sinner donc récupère la deuxième place au profit de, au dépend de Carlos Alcaraz. Le top 10 n'a pas bougé, si ce n'est que derrière on a très peu de chamboulement, hein, finalement, quand on regarde assez bien, Andrei Rublev qui atteint la sixième place désormais, hein, il en profite donc pour passer devant Casper Ruud ou encore le grec Stefanos Tsitsipas qui recule d'une place. Pour les Français, Hugo Humbert est 15e désormais. Ensuite on retrouve Manarino 21e. Et enfin on a et puis Félix Auger-Aliassime, bel beau, très très gros bon puisqu'il a pris 15 places. Il est désormais 20e. Et Gaël Monfils, lui, gagne 2 places, il est 38e actuellement. Et puis chez les dames, pas de changement non plus. Iga Świątek a augmenté son avance en tête du classement. Devant toujours Sabalenka, voilà, pas trop de changement dans le reste du dans le reste du top 10. Voilà, et puis les Françaises sont assez loin. Avec la première Française, donc la 48e place, 45e de Clara Burel, pour l'instant numéro 1 française. Voilà donc le tennis de la semaine dernière. Cette semaine, place à Rome. On enchaîne avec le retour du numéro 1 mondial, Novak Djokovic. L'absence en revanche, le forfait de Carlos Alcaraz et de Yannick Sinner pour le deuxième, l'Italien, on le savait, hein, il avait déclaré forfait déjà avant les quarts de finale de Madrid. Pour Alcaraz, c'est un petit peu plus plus une surprise, mais voilà, il sera encore absent. Medvedev sera du coup la tête de série numéro 2. Côté français, on va retrouver Adrien Manarino, Gaël Monfils, Arthur Hinderneck ou encore Hugo Humbert, Arthur Fils, qui seront bien présent. Rafael Nadal donc lui va démarrer par un qualifié, hein, pas encore connu, donc ce sera peut-être une première mise en bouche peut-être un peu plus à sa portée. Et puis Novak Djokovic qui profite d'un quart de tableau dégagé au moins jusqu'en quart de finale. Voilà donc pour cette dernière répétition avant Roland Garros chez les dames. On retrouvera plus ou moins les mêmes que cette semaine. Chez les Françaises, on aura Clara Burel, donc la numéro 1 française, Diane Paris, Caroline Garcia aussi seront présents. C'est les trois seules Françaises engagées cette semaine du côté de Madrid. Voilà pour le point en tennis. On va marquer une pause et puis on revient juste après pour enchaîner avec le foot. Hugo qui va nous retrouver pour la deuxième partie de l'émission. Il en sera question de la Ligue des Champions bien sûr et tous les championnats bien sûr, et puis on va suivre en détail en fil rouge Lille-Lyon. C'est parti depuis 3 minutes donc à la Decathlon Arena, Stade Pierre-Mauroy, donc c'est parti depuis 3 minutes avec une grosse pluie ce soir, voilà, notamment pour les conditions de jeu, et voilà, les enjeux sont un peu différents pour Lille. Il s'agira de retrouver Brest et Monaco pour aller se battre pour la Ligue des Champions de direct jusqu'à la fin de cette saison. Et puis pour Lyon, il s'agira de pas lâcher aussi ses adversaires poursuivants pour aller espérer chercher une qualif aussi en Coupe d'Europe directement. Voilà les enjeux de ce soir. Et puis c'est parti aussi dans l'autre affiche entre Crystal Palace et United en première ligue. Pas de but non plus, ça vient de démarrer il y a quelques secondes. On va marquer une pause, je le disais, on se retrouve juste après pour la page foot avec Hugo qui va nous retrouver dans 3-4 minutes, le temps de marquer cette pause. Et nous on va se retrouver avec aussi les directs, tout le fil rouge, on va suivre jusqu'au bout normalement cette affiche entre Lille et Lyon qui promet. Allez, c'est parti, on va écouter Elton John et Dua Lipa pour Cold Earth. On se retrouve dans 3 minutes 22, à tout de suite sur Arc-en-Ciel. Cold, cold heart. 21h07, vous êtes sur Arc-en-Ciel, c'est la Red Argus Sport. Ravi de vous retrouver si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 22h30. En compagnie de Hugo qui nous a rejoint par téléphone. Salut Hugo. Salut Rémi, salut à tous. Tu vas bien ? Très bien et toi ? Ça va, parfait. Écoute, ravi de te retrouver. On va débriefer toute la page foot de la semaine. Il s'est passé plein de choses encore. Beaucoup de choses, donc un gros programme encore. Et puis on aura deux directs du coup à suivre. Précisément, on va avoir trois directs, mais on va en suivre deux. Un fil rouge, on aura Lille-Lyon. Ça, c'est important en Ligue 1. Bien sûr, on l'a dit, les enjeux pour Lille, retrouver le podium, et puis pour Lyon, essayer de s'accrocher pour aller chercher une place en Europe. Et puis on aura aussi en Angleterre Crystal Palace United. Donc voilà, là aussi il y a des enjeux pour les uns et les autres. Et puis il y aura aussi en Italie Udinese Napoli. Là aussi bah il y a le maintien en jeu. Et puis pour le Naples, on peut encore espérer aller chercher l'Europe. Donc trois affiches, t'as un match peut-être que tu suis déjà? Ouais, bah je me suis mis Lille-Lyon en face de moi, donc je vais pouvoir vous tenir au courant de l'issue du match. Et bah parfait, donc là on a un coup franc d'ailleurs pour les Lillois. Hein. Déjà premier coup franc qui peut être dangereux, donc on va peut-être le suivre, et puis après on va commencer à débriefer donc tout le reste. On voit qu'il y a peut-être un petit peu de contact dans la surface, donc c'est pas encore coup franc qui a pas été exécuté, ça va ne serait tarder. C'est Yazici qui va donc le tirer sur l'aile gauche. C'est parti. Ouais, non, pas, ça donne rien. Pas bien levé le ballon. Non. Ouais. Donc voilà, on va rester là pour le moment. Même si, attention, une récupération lilloise. Non, il y aura un corner. Ouais, corner. Corner. Je sais pas, on est peut-être en même temps. On a un petit décalage. Non, là, je suis à 9 minutes pile, moi. Bah, moi aussi. Bon, bah, on est bien. On est en même temps, donc parfait. On va pas se spoiler. Alors, le programme, il va être bien sûr question de Ligue des Champions, hein, enfin de Coupe d'Europe même en règle générale, mais de Ligue des Champions avec la défaite du Paris Saint-Germain, on va y revenir face à Dortmund. Il y avait la belle affiche aussi entre le Real et Bayern qui avait beaucoup de... Oula, celle-ci, elle est complètement partie au-dessus, cette frappe. Il y avait beaucoup d'enjeux, on attendait du spectacle, il y en a eu du spectacle, on va le voir entre le Bayern et le Real. On va parler de Marseille aussi, hein, où tout est jouable au match retour, hein, après ce match nul. Match nul, on va le voir, presque, on pourra presque être peut-être déçu, on aurait presque pu avoir plus. On va y revenir, ouais. Mais voilà. Je pense, hein, sans être en étant objectif, il y a peut-être mieux à aller chercher. Ouais, mais il y aurait fallu surtout, parce que c'est sûr que, comme tu le dis, on le dira dans quelques instants, mais et l'Atalanta cette année, notamment chez eux, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'une victoire, ça aurait pas été de trop. Quoi. C'est ça. On va y revenir dans un instant. Et puis, bien sûr, on va débriefer ce qui s'est passé en Europe, la course au titre, toujours en Angleterre. Ça n'a pas bougé. Enfin, ils sont plus que deux maintenant dans cette course au titre, mais il n'y a pas eu de changement. Et puis, bien sûr, ailleurs dans les autres championnats, la course à l'Europe pour pas mal de clubs. Donc, on va y revenir aussi. Et puis, en France, évidemment, on va revenir sur cette journée un petit peu tronquée. Il y a eu pour le moment 7 matchs, le 8e c'est ce soir, et puis il y en aura encore 2 à jouer en match de retard la semaine prochaine. Donc on va revenir sur tout ça, et puis on finira avec les pronostics comme d'habitude pour clôturer. Mais tout de suite, démarrons avec la Ligue des Champions. Hein. Ligue des Champions, ça y est, demi-finale, allez. Il y avait deux affiches, on les attendait, hein, belles affiches. D'abord, c'était le Bayern, hein, qui démarrait, ouais. Face au Real, une belle affiche, on l'avait dit, hein, pour le Bayern, ils se sont qualifiés, on s'en rappelle, hein, à l'arraché, au tir au but, et puis pour le Bayern, il n'y a eu qu'un but aussi, hein, d'avance face au Arsenal. Vous les attendez, c'est aussi un classique, hein, entre le Bayern et le Real, on les connaît, c'est des affiches qui reviennent régulièrement. Il n'y a pas de vainqueur et tout devra se jouer sur un match maintenant. Beau match nul, hein. Où le Real avait d'abord ouvert le score par Vinicius, alors que le Bayern en très peu de temps, en 3-4 minutes, d'abord par Sané et par Kane, leur a permis de revenir au score et ensuite de passer devant. Et puis le Real qui a cru, comme très souvent, hein, on en avait parlé en quart de finale, régulièrement, c'est un peu leur force au Real aussi de pouvoir jamais ne rien lâcher. Et on l'a vu, ils sont encore revenus dans le temps, pas dans le temps additionnel, mais dans la fin de match, 83e, c'est Vinicius qui encore une fois est là pour marqué sur penalty. Mais voilà, en tout cas, belle affiche. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de score fleuve. Et on aura, en tout cas, ce qui est sûr, un match retour qui va être énorme, puisque là, il faudra tout donner. C'est bien, t'as déjà tout dit en fait. J'ai pas besoin de faire un résumé. C'est bien, il a tout dit. C'est bon. Mais bon, tu as vu le match, toi, tu as vu le match. Ouais. Non, mais évidemment, j'ai rajouté deux, trois petites choses. Mais déjà, comme tu l'as dit, oui, évidemment, Bayern Real, et comme on l'avait dit la semaine dernière, c'est oui, évidemment, un classique en Ligue des Champions. Et puis, comme je l'avais dit aussi la semaine dernière, cette petite stat, alors je l'ai plus exactement, mais quasiment tout le temps, si ce n'est à chaque fois, mais que le Bayern et le Real se rencontrent dans le dernier carré, c'est le vainqueur de cette double confrontation qui va aller gagner la compétition par la suite en finale. Donc c'est pour ça que c'est encore plus légendairement historique, on va dire ça comme ça. Mais sur ce match-là, ouais, on a vu vraiment un beau match. On pensait peut-être le Real, même à la Lanterna Arena, mais si on savait que ça allait être compliqué, on pensait que le Real allait peut-être avoir plus d'occasions et peut-être dominer cette équipe du Bayern, qui n'est pas, encore une fois, le grand Bayern de cette saison, comme on peut le connaître depuis des années et des années. Mais le Bayern a fait une très bonne entame de match, notamment durant le premier quart d'heure, où ils auraient pu marquer plusieurs fois, notamment par l'intermédiaire de Kane. Et puis, on sera finalement Vinicius, après que le Real soit un petit peu réveillé après le premier quart d'heure, justement. Et c'est Vinicius qui va venir marquer, je crois, sur une contre-attaque, mais je suis plus sur le premier but. Oui, c'est une passe de... c'est une passe de... C'est pas Kroos ? Non, Toni Kroos ? Non, je sais plus. Oui, c'est une passe... Si, c'est une passe de Kroos qui est enfin, millimétrée ouais, en profondeur. C'est ça. Donc, t'as vraiment marqué ce réveil du Real, comme je l'ai dit, après le premier quart d'heure de jeu, où le Bayern aurait pu ouvrir le score. Et enfin, voilà, c'est le Real et qui se réveille donc comme ça et qui va plutôt... mieux, en tout cas, bien terminé cette première période. Et puis, il y a encore une fois une nouvelle bonne première partie de période dans cette seconde période du Bayern, qui va reprendre le jeu en main et qui va marquer quasiment deux buts coup sur coup à la 53e par Sané, et puis sur penalty 4 minutes plus tard à la 57e par Kane. Et donc là, on se dit, voilà, c'est voilà le gros tournant du match, le Bayern qui se réveille, le stade qui se relance aussi. Donc voilà, on se dit, là, on va vivre une grosse fin de match, une grosse dernière demi-heure, et ça a été le cas encore une fois. Il y a aussi ce penalty de Vinicius à la 83e en fin de match pour remettre le Real dans le jeu aussi. Mais c'est vrai que ça a été un très beau match avec des grosses opportunités des deux côtés. C'est vrai que c'est assez difficile, mine de rien, sur l'ensemble du match, sur la physionomie du match, sur l'entièreté, de dire que le Bayern aurait plus mérité que le Real. Il y a eu des grosses actions des deux côtés, peut-être un peu plus côté Bayern, c'est vrai, mais pour moi, il n'y a pas une équipe plus que l'autre sur cette confrontation-là, sur cette première confrontation, qui mérite plus que l'autre. Voilà, ça a vraiment été un beau match de foot, comme j'ai dit. Ça allait un peu des deux côtés. Il y a eu aussi un peu de bataille au milieu de terrain, donc c'était très important. On a vu un gros Toni Kroos, justement, qui était là en patron dans ce milieu de terrain des Meringues. Donc c'est un gros match de Vinicius, évidemment, aussi. On a vu un très beau match de foot. Et voilà aussi un petit peu le retour aussi de Neuer aussi dans la grande compétition qui est la Champions League. Il a fait quelques parades également qui ont été importantes. Après, je sais pas toi, Rémi, si tu as des trucs à rajouter aussi sur ce match-là. Non, on savait, c'était l'affiche en tout cas promettait et on n'a pas été déçus. Mais on a hâte d'être à mercredi et puis ça va jouer sur un match sec, hein, finalement, quand on voit le score. Ou bien ça finira au tir au but, mais c'est vrai que mine de rien, le Real part avec un léger avantage, on le sait. Bon, déjà, le Real tout le temps, mais évidemment c'est leur compétition, la Ligue des Champions, et qui plus est, un match retour au Bernabéu, c'est 90% de qualification du Real, hein, on le sait, même contre des grosses écuries comme le Bayern, on sait que le Real part avec un gros avantage. Alors non seulement parce que déjà ils ont une énorme équipe, évidemment, et ils proposent du beau jeu également avec Ancelotti, mais voilà, cette présence, ce stade, cette enceinte-là, elle a quelque chose de magique et de légendaire avec cette compétition-là. Donc forcément, pour mercredi, je pense que la plupart des gens seront d'accord avec moi. Le Real part avec un léger, mais même un bon avantage quand même sur le Bayern. Qui d'ailleurs, on va le dire, on va en parler tout à l'heure, mais le Bayern qui a perdu ce week-end en championnat, qui n'était pas forcément rassuré, et le Real qui au contraire a fait une bonne performance en gagnant 3-0 et qui en plus est devenu champion ce week-end. Donc voilà, c'est pas les mêmes dynamiques, et puis encore une fois, ce sera à Bernabeu mercredi, donc ça va être un sacré match, mais le Real passe vraiment en tant que favori. Eh ben, cousin, mercredi, donc rendez-vous pour cette rencontre à 21h pour connaître le deuxième qualifié. Et premier qualifié, eh bien, ce sera ou le Borussia Dortmund ou le Paris Saint-Germain. Pour l'instant, avantage à Dortmund, qui a pris une petite option en gagnant à l'aller, donc mercredi 1-0 face à l'équipe du PSG. Qu'on n'a pas trouvé très tranchante, hein. Enfin, il a manqué pas mal de choses. Bon, malheureusement, il y a eu la blessure de Hernandez très rapidement. Mais voilà, globalement, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai trouvé une équipe du PSG qui était pas franchement au niveau, hein, j'ai l'impression. Ah bah bien sûr. Bah, de toute façon, je pense que personne peut le dire, en tout cas, que le PSG a été au niveau et encore moins au niveau de que Dortmund, enfin au niveau du jeu de Dortmund sur ce match-là. Après voilà, c'est un petit peu notamment dû au fait, surtout en première période, ça a été un petit peu rectifié en seconde, mais première période, déjà on avait un positionnement de Dembélé un petit peu en 10, en fonction du numéro 10, un peu comme on avait déjà vu contre la Real Sociedad, je crois justement quand c'était le match aller, je crois, en Espagne. Bon, enfin quand c'était la Real Sociedad jouait à domicile, on avait vu déjà Dembélé en numéro 10, également contre l'Olympique de Marseille, on l'avait déjà vu dans ce rôle-là. Et ce qui fait que ce rôle de numéro 10, en fait, il y avait un bloc parisien entier vraiment très axial, notamment encore une fois en première période. Et ce qui fait que Dortmund avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace sur les côtés. Et ça a permis, voilà, à Ryerson, le latéral droit, notamment à Madsen, côté gauche. Et puis du coup, à Sancho également, voilà, d'avoir beaucoup d'espace sur les côtés, sur les ailes. Et on l'a vu plusieurs fois, hein, Ryerson, le latéral droit de Dortmund, a récupéré le ballon bas sur le terrain, mais tellement le bloc du PSG était tellement axial qu'au final, il avait facilement 30-40 mètres à avancer tout seul sur le terrain, et ce qui fait qu'il pouvait aller vite, porter le danger, très rapidement en contre-attaque, et voilà, en avançant tranquillement sans être forcément attaqué de par ce bloc-là parisien. Et puis après, il y avait également Sancho, hein, il passait la balle à Sancho qui a fait... l'un de ses plus gros matchs en Champions League, et en tout cas pour cette saison depuis son retour à Dortmund, son plus gros match sous le maillot jaune et noir. Sancho, voilà, qui a fait, on l'a vu, hein, énormément de mal à Nuno Mendes. C'est vrai que Mendes, on l'a vraiment trouvé très très fragile, et il a vraiment passé un sale match face à Sancho. Sancho qui l'aura dépassé dans tous les compartiments du jeu et qui a vraiment fait un gros match, Sancho. Et puis voilà, il m'a suffi d'une contre-attaque en fin de première période. Voilà, un très bon ballon, je ne sais plus de qui, mais voilà, qui va casser les lignes en l'air et qui va vraiment surprendre tout le monde. Et pour Fulcrook, qui fait un énorme contrôle et qui va pouvoir voilà, tranquillement avancer face à Donnarumma, et qui va pouvoir ajuster Donnarumma d'une très belle frappe à ras de terre. Et ça a fait 1-0, puis c'est resté comme ça. Mais c'est vrai que le PSG, comme tu l'as dit, ouais, a été très tendre sur ce match-là. Comme tu l'as dit, il y a eu aussi cette blessure d'Hernandez qui, forcément, n'a pas fait du bien à l'équipe juste avant la mi-temps. Blessure qui plus est très grave, hein, rupture des ligaments croisés. Ouais. Donc, non seulement bah, voilà, il va rater la fin de saison et l'Euro. Et l'Euro, malheureusement, oui. Après avoir déjà raté justement la Coupe du Monde 2022. Enfin, en tout cas, après avoir à peine joué. Mais, donc, c'est vrai que c'est assez triste déjà. En tant que Français, je parle voilà, de perdre Lucas Hernandez, qui, même si pour moi, il ne fait pas une énorme. Ah, but pour Lille. Ah, je ne l'ai pas encore. Mais je suis en retard. Bah, je sais pas pourquoi je suis en retard. Bah, tant pis. J'ai pas trop vu le début de l'action. Je crois que c'était un coup franc. Coup franc. Attends, l'axe. Un coup franc dans l'axe. Ouais. On va le revoir. Et oui, je sais pas pourquoi j'étais en retard. J'ai... Bah, écoute, ouais. J'ai pas vu qui avait marqué. On va le revoir. Ouais. Non, il a un peu excentré. Ah, il est. Elle est dans le paquet. Il y a une tête. Bon, sans, on a. Pas réussi à voir qui c'était. Je crois que c'est Diakité. Ah, belle tête Lopez, ouais, c'est un peu Lopez, ouais, c'est. C'est Diakité. C'est Lopez, ouais, bien exécuté. Ah, il la touche Lopez, il arrive à la détourner, mais ça suffit pas. Et ça fait 1-0. Est-ce que ça va être validé tout de suite? Est-ce qu'il va y avoir une vérification? Pour l'instant, on voit les joueurs qui se replacent. A priori, il a l'air d'être valide ce but, hein, à première vue. Ouais, Lille qui reste quatrième du coup avec 56 points et qui est à un point de Brest, troisième du coup. C'est ça, en temps réel. Et puis un autre but, c'était en Angleterre, c'est Crystal Palace qui a ouvert la marque face à United après 12 minutes. Et là, on joue la 18e. Et puis en Italie, entre Udinese et Naples, il n'y a pas eu de but. Pour l'instant, on est à 34 minutes de jeu. Oui, donc pour finir avec Hernandez, qui n'est pas une grosse saison, tu disais, ouais. Ouais, bah, c'est pas une grosse saison. Il a déjà, si, il a déjà quand même été important avec le PSG depuis le début de saison quelques fois, mais c'est vrai que on l'a connu plus tueur, plus tranchant, on va dire ça, dans, plus tranchant, ouais. Et c'est vrai que cette saison, bon, il y avait un petit peu un dentif sa saison, mais et pour moi, ça reste, bah, déjà pour le PSG, surtout encore une fois, quand il n'y a pas Kimpembe, quand il y a beaucoup de d'absents défense, ça reste voilà quelqu'un d'important déjà de par son talent, de par sa présence physique, de par sa vista, de par plein de choses, et puis de voir aussi sa polyvalence, évidemment, comme il peut jouer sur l'aile, enfin, en tant que latéral et en tant que défenseur central. Donc forcément, c'est un point noir déjà pour le PSG, et comme je l'ai dit, pour l'équipe de France, évidemment, pour l'Euro, en vue de l'Euro. Mais pour revenir en tout cas sur ce match-là, pour revenir sur Dortmund, franchement, les 11 joueurs, enfin même les remplaçants, mais tous les joueurs de Dortmund ont fait au minimum un bon match. Certains ont fait un excellent match, comme Adeyemi, qui a été vraiment monstrueux défensivement, d'ailleurs face à Dembélé, qui a fait beaucoup de retours défensifs très précis et très très bons. Et voilà, globalement, cette équipe de Dortmund a fait un gros match, et chaque joueur a donné sa pierre à l'édifice, a mis sa pierre à l'édifice, et c'était un match assez costaud de Dortmund, même si le PSG a eu des occasions également, hein, évidemment, je l'ai pas souligné, mais le PSG aurait pu marquer également. Mais, oui, voilà, il y a eu des occasions, mais pas suffisamment. Enfin, il y a eu cette occasion, cette double occasion là, de double poteau. Ouais, voilà. C'est ça. Mais ben, on sent, tu vois, c'est ce que je disais. Je sais plus, j'en parlais avec qui, mais d'habitude, ces frappes là, Mbappé, il les met tous les jours. Donc là, il tape le poteau. Enfin, mais on sent que voilà, tu vois, il y a pas eu de réussite parce parce qu'il faut la provoquer aussi. Et ça, en temps normal, c'est des buts qui rentrent. Et même après, sur le retour, il y a un nouveau poteau, alors que c'est des buts qui doivent aussi rentrer tout le temps. Ouais, c'est vrai que ouais, Mbappé a encore fait un match très moyen mercredi dernier. Après, je pense que le PSG peut, entre guillemets, être heureux de ce score-là, dans un sens où, oui, comme je l'ai dit, Dortmund a été très solide et très bon, je trouve, dans ce match-là. Et à domicile, au Signal Iduna Park à Dortmund, je trouve que c'est un bon résultat de perdre entre guillemets 1-0, surtout avec le retour au Parc des Princes demain qui s'annonce bouillant, en plus avec le club et les supporters qui se sont mis d'accord pour faire une belle ambiance, un gros tifo. Alors j'ai pas vu la finalité du truc aussi, mais j'ai cru voir qu'ils négociaient aussi pour un potentiel envahissement de terrain à la fin du match en cas de qualification. D'accord. J'ai cru voir un truc comme ça, j'ai pas eu la finalité du projet, mais en tout cas, ça annonce une grosse ambiance au parc demain. Et puis, c'est vrai qu'on a souvent vu le PSG quand même faire de très bons matchs avec des champions. Je parle pas que de cette saison, hein, je parle depuis la RQSI, faire de très beaux matchs à domicile. Donc je pense que le PSG, mine de rien, reste favori non seulement pour la victoire demain, mais mine de rien, même avec cette défaite-là, pour moi, pour la qualification. Mais voilà, encore une fois, avoir le faire, justement, pas falloir venir jouer gros bras directement, entre guillemets, et dire bon, ça, on va le faire tranquille. Parce que, voilà, Dortmund a des qualités, comme on l'a dit, a été très solide défensivement aussi, mais je pense que le PSG n'est pas dans un si mauvais scénario. Une situation que ça. Ouais. Bah, coup dur pour Lille, c'est la sortie de Yilmaz. Yazice, blessé visiblement. Ouais. Il va céder sa place à Zegrova. J'ai pas trop vu ce qui s'était passé, mais il a l'air d'être bêché. Je sais pas sur quelle action, mais premier coup dur pour Lille, qui mène toujours 1-0 malgré tout. Donc rendez-vous demain pour ça va arriver très très vite, Paris Dortmund, 21h. Donc on a hâte d'y être. Et puis donc Real Bayern, je rappelle, mercredi pour cette deuxième demi-finale. On poursuit avec la Ligue Europa maintenant, avec donc l'Olympique de Marseille, donc qui recevait l'Atalanta Bergame, et voilà, tout est à l'image de, on en parlait du Bayern Real, tout est possible aussi avec ce match nul un partout. L'ouverture du score très rapide, hein, en fait, de Bergame, 11e minute, et puis Marseille qui est revenu très très vite avec Mbemba. Et malheureusement, il y a eu des occasions, beaucoup d'occasions, et il y a eu aussi une barre en fin de match, et bah il faudra tout refaire au retour. Et tout faire au retour, ouais. Et voilà, on va, comme tu disais, ce sera à l'extérieur, il faudra tout donner, mais c'est vrai que c'est presque dommage, en fait, ce match nul. Ouais, bah ouais, c'est dommage. On a vu l'OM sortir un gros match, honnêtement, qui a quand même su dominer globalement l'équipe de l'Atalanta, Et c'est vrai qu'on avait beaucoup, en tout cas les médias nationaux français de sport évidemment, avaient vraiment très très très bien vendu, voire survendu l'Atalanta, très honnêtement. Et c'est vrai que sur ce match-là, on peut se dire, en fait, c'est pas une si grosse équipe que ça, entre guillemets. En tout cas, ils nous ont pas proposé au Vélodrome un si beau jeu, un si beau football que ça. Et Marseille peut avoir des regrets, très honnêtement. Je pense qu'on peut parler de regrets dans ce match-là. Comme tu l'as dit, avec notamment la barre de Dounaï en fin de match, en seconde période, et sur d'autres actions, notamment d'Aubameyang aussi. Mais Marseille aura fait un match costaud. C'est vrai que repartir avec seulement un match nul sur ce match aller, c'est vrai que c'est très regrettable. Mais Marseille a montré vraiment de très belles choses, de la solidité aussi défensive, avec encore un énorme match de Ballardi, qui s'est encore montré en patron sur ce match-là. Et puis il y a eu des très beaux matchs aussi des latéraux, notamment des bons matchs en tout cas de Klaus et d'Enrique, je trouve en tout cas. Il y a eu des fois il y a eu de la maladresse aussi, notamment de Ismail Assar, d'Amin Harit, quand même mine de rien, on va dire, de nos créatifs, de nos techniciens. Potentiellement un manque aussi de confiance, notamment je pense pour Ismail Assar, même pour Harit, hein, c'est vrai qu'on on le voit un petit peu maladroit depuis quelques temps à Harit aussi. Mais globalement un gros match. Skamaka, qui est le buteur de Bergam, qui aussi quand même a fait du mal, hein, la défense marseillaise mine de rien, il a pesé sur la défense en tant que pivot, en tant que finisseur aussi. Et Klaus aussi qui est de son retour. Oui, en plus donc Klaus il a fait beaucoup de bien évidemment. Il était pas sorti, pas sur blessure, mais il me semblait que quand il était sorti remplacé par Merlin, il avait eu un petit choc, je sais plus, j'ai un doute, mais à la 65e. Ça m'a fait peur de le voir sortir en tout cas. Mais qu'est-ce que je voulais dire aussi, je voulais rajouter un truc. Skamaka qui a pesé aussi, parce qu'en plus on sent que c'est un mec un peu à la Paredes, tout ça, qui veut rentrer un petit peu dans la tête de son défenseur, et tu vois, il s'est un petit peu déstabilisé mentalement et le joueur, et j'ai eu peur pour Ballardi, qui a d'ailleurs pris un jaune tardivement à la 70e, mais j'ai eu peur que Ballardi par exemple se passe qu'il rentre dans le jeu de Skamaka un petit peu dans la provocation et que ça joue pas en notre faveur, mais bon, au final là-dessus j'ai été plutôt rassuré. Mais non, globalement Marseille qui peut avoir des regrets, on a vraiment eu des bonnes occasions, des bonnes situations, et maintenant comme je le disais tout à l'heure, ça va être compliqué mine de rien à Bergame, mais évidemment pas impossible, hein. On a bien vu qu'on pouvait vraiment les déstabiliser et avoir de très, et procurer de très belles occasions, avec notamment encore une fois Aubameyang qui fait un gros match aussi, même sans marquer. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose aussi. Non, t'as tout dit, écoute, tout est jouable, faut jouer de la même façon, avoir un peu plus de réussite, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'occasions en deuxième, et il a manqué ce dernier geste vraiment dans le dernier moment de l'action, mais si ça tombe dans la faveur de Marseille au retour, ça peut le faire, hein. Franchement, il y a pas de niveau d'écart entre les deux équipes, hein. On l'a vu, hein. L'Atalanta n'est pas du tout supérieure, donc tout est jouable, il faudra jouer avec la même intensité et puis espérer que ça tourne du bon côté cette fois, et après ce sera à l'extérieur, on l'a dit, ce sera pas la même ambiance évidemment, mais faudra jouer avec ça et faut y croire. Il y a vraiment une possibilité de faire un bel exploit là, demain. Jeudi, pardon. C'est vrai que l'Atalanta a une défense plutôt lente, en tout cas qui manque de vitesse. Donc c'est vrai que ça a pu jouer dans la faveur de nos attaquants, Aubameyang, Star, ou même nos latéraux, hein, Klaus et Enrique. Donc c'est vrai que là-dessus, on a pu pas mal jouer aussi. Et puis il y a eu cette sortie sur blessure aussi assez tôt dans le match de Kolasinac, je pense à Marseille, oui, justement. C'est vrai. Alors je sais pas s'il aurait apporté énormément, mais en tout cas c'est toujours quelque chose qui a fait que l'Atalanta a dû se repositionner tactiquement et changer un petit peu de place certains joueurs. Donc forcément ça a joué aussi dans leur entame de match, et ce qui a fait qu'on a pu répondre assez rapidement à l'ouverture du score de l'Atalanta aussi. Donc entre guillemets c'était un fait de jeu qui nous a aussi servi de notre côté, quoi. Réponse jeudi donc à 21h pour connaître le premier qualifié. Puis qui accompagnera Marseille ou Bergame, ce sera ou la Roma ou le Bayer Leverkusen. Pour l'instant, un bel avantage au Bayer Leverkusen, 2-0. Normalement, Leverkusen. Normalement. C'est bien parti pour qui enchaîne encore une nouvelle victoire et un nouveau match, une nouvelle série de matchs sans défaite. Et voilà, bah voilà, c'était encore il y a un grand Bayer avec Wirtz, avec Andrich, encore on les connaît ces joueurs maintenant, et c'est toujours les mêmes qui marquent. Et donc bah 2-0, ça fait largement le boulot, et ça devrait en plus à l'aller au retour chez eux bien se passer, je dis. A priori, voilà, le Leverkusen qui devrait, je pense, se qualifier, et en plus encore peut-être du coup rester invaincu, hein, parce qu'on le verra, ils ont encore gagné en plus de laquelle manière, on en reparlera tout à l'heure en championnat, et du coup bah ils pourraient encore à poursuivre cette série, et en plus se qualifier pour une finale, une autre finale, parce qu'il y aura la finale en Allemagne, il y aura la finale de pour peut-être de cette Ligue Europa, et il y aura le titre déjà, donc il se rapproche tout doucement mais sûrement d'un triplé, hein, historique, et peut-être même une saison invaincue, hein, ce serait fou. Mais plus ça va, et on le disait chaque semaine, et ça va être dur, mais on voit que match après match il se rapproche vraiment de cet exploit. Donc il faut encore tenir un tout petit peu pour le Bayer Leverkusen, et déjà je dis ne pas perdre déjà, et ça passera pour cette finale. On sera donc là aussi à 21h, et terminons avec la Europa Conférence. Donc on va pas débriefer les affiches, mais simplement donc pour le moment les tendances, avec donc d'abord l'Olympiakos qui a battu Aston Villa 4-2, donc à Villa, hein, donc belle sensation, hein, pour l'Olympiakos. On voit que pour lui c'est dommage, hein, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose, hein, donc sur la demi-finale, donc l'Olympiakos qui a gagné 4-2. Et puis dans l'autre match c'est plus serré, c'est la Fiorentina qui a gagné 3-2 face à Bruges, donc avec un but en toute fin de match, et qui avant le retour se donne une petite option, donc d'aller chercher. C'était pas la Fiorentina qui avait fait une belle campagne l'année dernière déjà en conférence. Ouais, c'était en conférence, c'était en je ne sais plus, ça n'a pas marqué plus que ça en tout cas. Mais qui était arrivé en finale ou en demi-finale? Non, tu ne sais plus. Bon, on va. Je sais plus. Je ne sais plus. Mais carton jaune, tiens, pour Lyon. Je n'ai pas eu le temps de voir. Il y a un carton jaune qui a été distribué. Je crois que c'est pour Lyonnais. Ouais, c'est pour Nuama, ouais, qui a pris un carton jaune avec un tacle un petit peu plus dangereux. Donc, il va prendre, oui, c'est un tac assez dangereux, donc il va prendre ce premier carton jaune de la partie, le Lyonnais, donc qui va être averti pour la suite. Non, je n'arrive plus à retrouver, je vais essayer de retrouver, mais je crois que Fiorentina qui avait fait un beau parcours l'an dernier et qui est arrivé assez loin, qui avait été en finale, oui, c'est ça, qui avait perdu face à West Ham. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc bah voilà. En conférence du coup. En conférence déjà, ouais. Ouais, ok, ouais, c'est vrai, exact. Donc bah peut-être ils vont réitérer l'exploit d'aller encore en finale, et peut-être mieux cette année. Pas de but ailleurs, hein. Lille Turin 1-0. On suit le match avec attention. 35 minutes. En Angleterre 1-0 toujours pour Palace vs United, et en Italie c'est la mi-temps entre Udinese et le Napoli. Revenons du coup maintenant au championnat. Justement, on parlait du Bayer Leverkusen à l'instant. En Bundesliga, et ben voilà, ils enchaînaient. Du coup, ils ont joué jeudi, victoire en plus avec la manière face à la Roma. Ils jouaient hier après-midi. On s'est dit peut-être qu'il y aura un peu de fatigue. Bah pas du tout, pas du tout pour Leverkusen qui a été en plus. Et en plus, on l'avait dit, hein, c'était, il y avait un enchaînement de gros matchs. Hein. Il y avait Dortmund, il y a eu Leipzig, je crois, la semaine dernière. Oui, c'est ça. Il y avait eu deux matchs nuls consécutifs. Non, c'était Stuttgart, pardon. C'était ça. Il y avait Dortmund, Stuttgart et Francfort, vraiment des adversaires, des gros adversaires qui jouent l'Europe. Et bah voilà, ils ont fait mieux que nul. Ils ont gagné, puis largement avec la manière. Après un match déjà un gros match jeudi, 5-1. Et bah voilà, ils poursuivent encore. Série d'invincibilité à 48 matchs. Voilà. Je sais plus quoi dire à force. Hein. En plus, il y a eu que des buteurs différents. Hein. Xhaka, Schick, Palacios, Frimpong, Boniface. Pff, voilà, ils sont efficaces. Tout le monde marque, tout le monde participe à la fête. C'est chouette. En fait, ça, c'est le mot, c'est efficace. C'est efficace parce que quand on regarde les stats du match, notamment, donc il y a 5-1 à la fin pour Leverkusen, mais il y a 17 tirs à 9 pour Francfort. Tu vois. Oui. Donc, ils sont efficaces. Ils sont efficaces. Et puis, mais ils ont quand même maîtrisé ce match-là. voilà, de bout en bout pour moi. Il y a quand même eu un beau but d'Ekitike encore une fois pour Francfort. En tout cas, ça marque son troisième but là en deux semaines et de la saison du coup. Ekitike. Mais oui, non mais. Ah pardon, je te coupe. But pour Lille. Ah exact, ouais. C'est. Ben, j'ai pas eu le temps de voir qui a marqué, mais but. Un beau but, ouais. Cette frappe, donc. Zegrova qui vient de rentrer. Ouais, c'est petite remise, ouais. Et après Zegrova qui fait un petit peu ce qu'il a voulu dans juste avant la surface et qui frappe, ouais, entre les jambes d'ailleurs, défenseur lyonnais. Et donc ça fait 2-0. Ouais, ras-le-poteau, elle est belle cette frappe. Lopez qui a rien pu faire. Donc 2-0 après 37 minutes, c'est bien parti pour Lille. Donc ouais, je te laisse finir, pardon, je t'ai coupé. Ouais, donc j'en étais, mais voilà, de toute manière, un match quand même mineur, un sérieux pour les Barcousiennes, même s'ils ont, comme je l'ai dit, encaissé, on va dire, pas mal de frappes côté Francfort, mais ouais, ils ont été tranchants dans le dernier geste, et puis voilà, il y a un très beau but de Chaka pour ouvrir le score à la 12e minute de jeu, et puis ils ont assuré sur deux pénaltys également, de par Palacio, c'est Boniface en fin de match. Donc voilà, les Barcousiennes très costauds et qui enchaînent son 48e match sans défaite. C'est fou. C'est ouf. C'est énorme. Et 7 tirs cadrés, 5 buts. Hein, c'est de l'efficacité presque parfaite. Les Barcousiennes, il va rester, je le disais, hein, il va rester 2 matchs en championnat. Alors, plus à la portée d'ailleurs que les derniers matchs, il y aura donc Bochum. Et ensuite, il y aura Augsbourg. Voilà, les dernières rencontres. Entre-temps, il y aura la Roma, donc jeudi. Et après la saison, il y aura Kaiserslautern en finale et peut-être une finale de Coupe d'Europe, celle de Ligue Europa à jouer. Il reste, quoi qu'il arrive, 4 matchs déjà et peut-être un 5e. Donc 5 matchs, 4 voire 5 matchs à ne pas perdre pour rester invaincu dans une saison et pour réaliser un super triplé. Voilà ce qui leur tend les bras, mais... C'est les 5 derniers matchs là les plus importants peut-être de leur carrière à tous, donc il va falloir tenir encore. Tu le disais tout à l'heure, le Bayern qui a perdu face à Stuttgart, c'était un match de haut de tableau, hein, pour Stuttgart aussi c'était important de gagner pour rester dans ce top 3 et voilà s'assurer vraiment la Ligue des Champions. Alors on l'a pas dit tout à l'heure, mais la victoire du Bayern de Dortmund face à Paris, elle a une incidence. C'est que du coup, l'Allemagne fait maintenant partie des deux nations qui bénéficient de la 5e place avec l'Italie, hein, la 5e place qualificative pour la Ligue des Champions. C'est-à-dire que Dortmund, en gagnant, s'est qualifié tout simplement pour la Ligue des Champions. Parce que c'est Dortmund qui est 5e. Donc, ils le savaient, j'imagine, mais c'est sans le vouloir. Et ben, ils se sont qualifiés automatiquement pour cette Ligue des Champions, donc voilà, ils peuvent plus être rattrapés, il y a vraiment trop d'écart ensuite. Donc Dortmund va se qualifier au même titre que Leipzig, que le Stuttgart, que le Bayern et que Leverkusen évidemment. Voilà, et donc dans le Ziel Bayern, donc battu face à Stuttgart. Donc là même là il y a plus d'enjeu, mais voilà, si on peut aller chercher la deuxième place, bah pourquoi pas. Et le Bayern, tu l'as dit tout à l'heure, qui s'est pas rassuré en fait hein, avant ce match retour. Non, c'est sûr, ils sont pas rassurés. Stuttgart a vraiment fait un très bon match. Ils ont dominé le Bayern tout simplement sur tout le match. Ils ont donné une issue positive pour eux à ce match en fin de match à la 83e par De Jong et à la 90+3 par Bamangi Touka. Donc voilà, mais après bon, entre guillemets, c'est pas une excuse, mais le Bayern a fait pas mal de turnover quand même dans ce match-là aussi. Donc c'était pas forcément les titulaires de mercredi qui ont joué ce match, en tout cas pas dans l'entièreté. On peut se dire ça, donc oui, forcément, c'est pas rassurant globalement et dans les têtes, mentalement en tout cas, de perdre ce match-là avant le match retour contre le Real, mais on va dire que c'est pas forcément, c'est pas le 11 qui sera aligné non plus par les Bavarois dans la BU à mercredi, donc on peut se dire ça aussi, mais c'est sûr, le Bayern se rassure pas, même s'ils n'ont plus rien à jouer en championnat, c'est vrai que perdre ce match-là entre ces deux confrontations-là, c'est pas forcément la meilleure des choses. Même si on le rappelle, Stuttgart fait une grosse saison et une très bonne équipe et voilà, ils font 3e à 2 points maintenant du Bayern justement. Donc ouais, comme tu dis, il y a toujours quand même mine de rien ce petit côté d'ego où voilà, il va falloir chercher cette deuxième place quand même. Mais c'est sûr, le Bayern n'a pas fait un gros match. Il y a quand même à souligner un but de Kane à la 37e sur penalty qui continue de marquer encore une fois un peu plus son empreinte sur le classement des buteurs En Bundesliga, il a combien maintenant? Il est à 36, c'est énorme. 36 en 32 matchs, oui. Ouais. Ce qui est énorme, oui. Ouais, énorme. Mais les suivants sont pas mal. Hein. Girassi, justement, de Stuttgart, oui. Qui en a 25 buts en 26 matchs. Openda aussi, ancien de Ligue 1 également, 24 buts en 32 matchs, c'est pas mal non plus. Oui, des bons petits buteurs en Allemagne. Ouais, ça marque pas mal. Hein. Il y a beaucoup de joueurs au-delà de presque à 20 buts, c'est fort. Hein. Bah, c'est un peu ce qu'on reproche à la Ligue 1 depuis cette saison, depuis quelques saisons même. C'est le fait que maintenant, certains sont contents, dont moi, parce qu'il y a, il y a plus de spectacles qu'avant, notamment je pense à Brest-Rennes, quand il y a eu 5-4 la semaine dernière. Oui. Mais en même temps, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais les dépenses, maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Mais c'est le cas en Allemagne depuis des années. Et c'est pas un problème en fait. Il y a du spectacle, il y a du beau jeu et c'est pas un problème. Le foot, le but c'est de marquer des buts, en vrai. Oui, il y a des défenseurs, mais je veux dire, est-ce que c'est un problème si le football français, entre guillemets, délaisse un petit peu les bons défenseurs ou je ne sais quoi pour avoir plus de spectacles aussi. Et potentiellement ça peut jouer aussi en faveur des droits télé, plein de choses comme ça. Voilà, voir du spectacle, voir beaucoup d'enjeux sur plein de matchs, ça ne peut qu'aider à faire vendre la Ligue 1 à l'étranger aussi. Donc, voilà, moi je suis partisan du fait qu'il y ait plus de buts, plus de spectacles en Ligue 1, etc. Comme en Allemagne, c'est le cas ici. On le voit notamment de par les gros golavérages aussi au classement. Hein. Plus 59 pour Leverkusen, plus 49 pour le Bayern, plus 34 pour Stuttgart, plus 38 pour Leipzig, plus 24 même pour Dortmund 5e. Tu regardes en Ligue 1, c'est pas du tout ça. C'est pas ça, ouais, c'est clair. En Ligue 1, t'as que le PSG qui a plus 47. Et derrière, c'est classique. C'est plus 18, plus 20, plus 18, plus 16, ouais. Voilà, mais t'arrives déjà à 6e place, et même 5e place, c'est plus 11, plus 8. Ouais, c'est ça. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Non. Donc, pour ça que je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose pour la Ligue 1 et pour la Bundesliga, c'est déjà le cas depuis des années maintenant. Mais voilà, je sais plus pourquoi j'étais venu à là, mais on le voit encore ce week-end en Bundesliga, hein, 5-1 Leverkusen. Dortmund a gagné 5-1, on va en parler. Ouais. Bochum a gagné 4-3 à Berlin. Gros score. Il y a des buts, quoi. Il y a du spectacle. Ouais. Et c'est pas pour ça que la Bundesliga est au-dessus de la Ligue 1, mais il y a du spectacle et ça sent mieux. Et c'est pas pour autant qu'il y a moins de mauvaises équipes. Il y a le Bayern et Dortmund qui sont en demi-finale des Ligue des Champions aussi. Ouais. Voilà. Et peut-être en mettant en finale, oui. Et peut-être. Et Leverkusen qui est en demi-finale d'Europa League aussi. C'est ça. Il y a quand même trois clubs allemands qui sont en demi-finale malgré peut-être ce souci défensif, mais voilà. C'est pas grave, c'est pas fatalité pour eux. Tiens, juste un petit point noir pour le Bayern de la date des fêtes, c'est la blessure de Rafael Guerreiro. Ouais, aussi, ouais. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Ouais. Qui sera absent probablement donc mercredi. On l'a dit donc Dortmund face à Augsbourg, on va aller assez vite, mais Victor là aussi 5-1, l'image de Leverkusen. Même s'ils ont pas mal fait tourner aussi, hein, comme le Bayern, il y a eu un gros turnover aussi. Ce match-là, mais ça ne les a pas empêchés de gagner 5-1. Quoi. Donc voilà, qui se rassure là largement face à Augsbourg avant le match de Paris. Et puis, pour finir, le match nul Leipzig qui a été tenu en échec à Hoffenheim 1-1. Voilà, ça ne remet rien en question pour le classement. Puisque donc on l'a dit, Leverkusen 84, le Bayern 69, Stuttgart 67, Leipzig 63 et le Borussia 60. On va les qualifier pour la Ligue des Champions. Et ensuite, on a Francfort en 45, un vrai fossé. Fribourg 41, Hoffenheim 40. Tout ça, ça peut encore espérer. Hein. Augsbourg 39. Après, ça devient un peu plus compliqué. Mais encore, jusque là, ça peut se jouer. Et donc en bas, pour le moment, donc Darmstadt est relégué, ça c'est sûr. Cologne, pas encore, mais c'est en bonne voie quand même. Hein. Il y a 5 points de retard et il y a plus que 2 matchs. Donc c'est de manière, ouais, voilà, plus que 2 matchs. Donc même au niveau européen, il y a quand même plus grand chose à espérer, notamment pour Augsbourg ou Hoffenheim. Oui, ça va devenir compliqué maintenant. Ouais. Et puis Mayence, qui pour l'instant est relégable et barragiste, mais voilà, il y a encore pour Berlin la possibilité d'y être, hein, parce qu'il n'y a qu'un point d'avance. Et même Bochum ou Mönchengladbach avec 33, même s'ils sont un peu plus à l'abri. C'est pas encore tout à fait fini. Cette semaine, qu'est-ce qui se passe? C'est la 33e journée et on va avoir pas de superbe affiche, hein, mais non, il y a pas. Bon, non, il y a même pas d'affiche de haut de tableau. Non. Si ce n'est que Leverkusen fermera la journée avec déplacement à Bochum à 19h30. Bon, ils se sont reposés hein, depuis jeudi. Il faudra encore tenir un match supplémentaire pour rester invaincu en champ, en tout cas déjà en championnat. Ouais. Très bien. Voilà pour l'Allemagne. On finit en Italie. On va accélérer un tout petit peu parce qu'on n'est pas en avance. Il est déjà 21h47. C'est la mi-temps, pas encore presque à Lille. L'Italie, donc la 35e journée. Tiens, bah, on peut parler de l'Inter d'abord qui a perdu, le champion qui perd à Sassuolo. Voilà, bon, bah, pour l'Inter, on l'avait dit, hein, maintenant ça va être un petit peu finir en roue libre. Ça a peut-être été le cas ici. Défaite 1-0. Donc, bah, l'Inter, ça n'a aucune incidence, si ce n'est que bah, pour le. 100 points. Pour les 100 points, c'est fini. Eh oui, il fallait tout gagner, quasi presque. Et bah voilà, ici, bon, c'est pas la. A priori, ça n'a pas été un drame pour l'Inter. Non, bah ils ont globalement dominé ce match, mais pareil, il y a eu du turnover aussi. Enfin, ça n'a pas été l'équipe type lancée dès le début de match. Puis oui, voilà. Il n'y a plus cette même envie, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse domination de leur part. Hein. 76% de possession. Je regarde les gros trucs, hein, 13 occasions à 2, 14 tirs à 6, mais sur 14 tirs, il n'y a eu qu'un tir cadré. Donc voilà, je pense, ouais, ça manque pareil de tranchant et sûrement d'envie, évidemment, après cette grosse saison acquise depuis déjà quelques semaines. Mais voilà, oui, rien de dramatique, on va pas passer évidemment 30 minutes à débriefer ce match-là. Mais ben bon, ouais, c'est sûr que pour les 100 points, c'est quand même dommage d'un point de vue extérieur de ne pas aller les temps. Et pour Sassuolo, en revanche, c'est une super victoire. Ça va permettre de d'y croire toujours. Ils ont 3 points de retard sur Empoli 17e, donc pour eux c'est vraiment des 3 points très très précieux. La Lazio tenue en échec qui a Monza 2 partout. Voilà pour la Lazio qui pour l'instant est 7e, hein, et c'est 2 points de perdu. Alors en plus ce qui est dommage c'est que ils menaient, hein, ils pensaient qu'avec ce but à la 83e ils allaient arracher la victoire. Bah, finalement Monza a cru vraiment jusqu'au bout et a été chercher une qualification toute fin de match. Et pour la Lazio, bah c'est dommage, hein, ces deux points de perdu, ça peut peut-être compter à la fin. Ouais, parce que la 7e place, elle est européenne ou pas, en Italie comme en Allemagne, du coup, comme ils ont 5 équipes en Ligue des Champions, elle est européenne ou pas? Je vais te confirmer ça dans une seconde, j'ai un tout petit doute et je ne vais pas dire de bêtises. A priori, elle va le devenir, oui, puisque le 5e. Le 5e se décale, donc oui, ça va. La 7e place va devenir. Donc ce serait de la Conference League, du coup. Ce serait de la Conference League, oui, exactement. Ok. Pour l'instant, ils y sont, à cette 7e place. Mais si avec une victoire, ils auraient pu se rapprocher de la 6e, qui elle sera une place en Ligue Europa. Ouais. Donc. Et attention à la Fiorentina et à Naples derrière, qui Naples qui joue ce soir, du coup, mais. Mais qui ont un match de moins qu'eux. Donc, en cas de victoire de Naples, par exemple, ils seraient plus qu'à 3 points de Naples ou potentiellement la Fiorentina s'ils gagnent leur match en retard. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils le joueront, la FIO. Mais voilà, rien n'est fait non plus pour cette 7e place. Ça va être aussi compliqué d'aller chercher cette 6e place à la Roma, mais pas impossible. Donc, voilà. Mais pour l'instant, la Lazio qui est bien installée à la 7e place. Mais c'est sûr que voilà, ce genre de match-là, face à des équipes comme Monza. Il va falloir ne plus perdre de points comme ça, entre guillemets, assez bêtement. Et la 7e place, c'est le barrage de Conference League. Ouais. Okay. Pour les grosses championnats. C'est les barrages. C'est les barrages, puisque c'est plutôt une compétition normalement pour les nations, enfin les championnats inférieurs à l'indice UEFA. Donc, pour ça que pour les gros championnats, il faut passer par un barrage. On privilégie les petites nations. Ensuite, on a donc toujours pour la suite de cette 35e journée. Donc après, on passe à hier avec un gros match là aussi, beaucoup de spectacles et de buts entre le Milan AC et le Genoa. Pas de vainqueur et un beau match nul 3 partout avec un but de Giroud, tiens, qui peut-être l'un de ses derniers avec le Milan, probablement. Ouais, bah oui, c'est la fin de l'aventure, on le sait, puisqu'il partira rejoindre Hugo Lloris au Los Angeles FC la saison prochaine. En tout cas, c'est bien parti pour. Mais donc, ouais, Milan qui fait 3-3, qui a vraiment fait un match en dents de scie, notamment en débutant mal à chaque fois ces périodes, en encaissant un but de la 5e minute sur penalty et puis également la 48e par Ekouban. Voilà, ça fait 3-3 à la fin. Ils ont quand même bien réagi, notamment en seconde période, en marquant coup sur coup leur deuxième et troisième but. Mais voilà, en encaissant un CSC en toute fin de match, voilà, Milan. Entre guillemets, qui n'a plus grand chose à jouer non plus, si ce n'est garantir leur deuxième place, même s'ils ont encore pas mal d'avance sur la Juve troisième. Donc bon, c'est, je pense un peu de ça aussi. Et je pense qu'il il y a toujours un petit peu ce manque d'envie en fin de saison quand t'as plus grand chose à jouer. Donc voilà, j'ai pas vu le match en direct, j'ai vu que quelques images là pour préparer l'émission. Mais voilà, c'était pas un grand Milan, oui, évidemment, même s'il y a eu du spectacle, donc c'était un match plaisant à suivre, j'imagine en direct, mais aussi au niveau résumé, mais voilà, c'est pas le grand Milan qu'on a vu évidemment ce week-end. Très bien, donc match nul. Et un autre match nul, c'est entre la Roma et la Juve. On l'a dit semaine après semaine, la Juve qui décline un peu et qui enchaîne un quatrième match nul consécutif. Cette fois, c'est face à la Roma. Ça a été plutôt un match en début de match. Hein, 15e Lukaku et 31e Bremer. Et après, plus grand chose. Et pour la Juve, c'est pas d'incidence. Hein, si ce n'est que bon, il voit la Bologne revenir à 2 points pour le podium, mais bon, voilà, le podium, de toute façon, et même la 4e place, elle est en Ligue des Champions. Mais par contre, pour la Roma, c'est dommage. C'est 2 points qui vont peut-être compter, puisqu'on rappelle la 5e place, donc sera qualificatif pour la Ligue des Champions. Pour l'instant, c'est Bergame qui l'a récupéré. On en parlera, qui a gagné tout à l'heure. Mais la Roma est égalité avec 60 points. Mais avec 2 points de plus, 2 petits points de plus, ça aurait pu lui permettre d'être cinquième, même si Bergame a toujours un match de moins. Donc pour la Roma, c'est peut-être 2 points qui vont compter dans les 3 derniers matchs à venir. Bah, c'est clair, ouais. Très très très très mauvais résultat pour la Roma, alors, mauvais résultat aussi pour la Juve qui, oui, laisse filer entre guillemets, est toujours à 5 points de Milan, mais on va dire que c'est moins grave de ce point de vue-là, dans le sens où voilà, la Ligue des Champions, c'est quasiment rassuré pour la Juve. Mais ouais, pour la Roma, c'est vrai que ça aurait été très intelligent d'aller chercher les 3 points sur cette rencontre-là, comme tu l'as dit, pour cette 5e place qui est dorénavant qualificative pour la C1. Donc c'est sûr. Et puis ouais, comme tu l'as dit aussi, l'Atalanta qui a encore un match de moins, mine de rien, par rapport à la Roma. Donc ouais, c'est un très mauvais résultat pour la Roma qui, comme beaucoup d'équipes, de toute manière, dans les sprints finales, va ne plus trop devoir perdre 2 points. Donc voilà, pour pas tourner à la catastrophe non plus, parce que la Lazio n'est pas si loin derrière, à 4 points. Mais voilà, va vraiment falloir tout donner en cette fin de match pour les hommes de De Rossi, pour aller chercher cette 5e place et cette Ligue des Champions, quoi. Donc match nul entre la Roma et la Juve, un partout. Et puis on termine avec le Bergame, justement, on en parlait, qui a gagné tout à l'heure. Un match important, justement, pour rester cinquième, avec en plus un match encore à jouer, qui a gagné 2-1 chez la Lanterne Rouge, hein, la Salernitana. Donc victoire 2-1, et ça permet de rester cinquième, je le disais, et de rester aussi en confiance avant le retour de jeudi, hein, pour Bergame. Ouais, ils ont plutôt fait un bon match, ils ont dominé leur adversaire du jour, et en espérant entre guillemets que parce que c'est quasiment l'équipe type en entier qui a joué, qui a débuté ce match, en tout cas, en espérant voilà qu'il y a eu de la fatigue de leur côté en jouant tout à l'heure, ouais, c'était tout à l'heure le match. Ouais. Oui, c'est ça. Donc ouais, c'est vrai qu'en jouant le lundi et en rejouant jeudi contre l'OM, ouais, en espérant qu'ils arrivent pas à 100% jeudi. Sans leur souhaiter de malheur, je veux dire, physiquement, mais en espérant qu'ils soient un petit peu diminués, physiquement. Donc voilà, mais oui, c'est une victoire qui fait que l'Atalanta enchaîne et reste en confiance, évidemment, mentalement, pour ce match retour à la maison. Et le classement pour finir, du coup, avec cette Serie A. L'Inter 89 points, la C Milan 71, la Juve 66, Bologne 64. Et Bergame 60 pour l'instant, les 5 pour la Ligue des Champions. On a la Roma avec 60 également, la Lazio avec 56. Voilà, a priori, ça va s'arrêter là. La Fiorentina, tu le dis, avec un match en moins, c'est vrai. Qui peut revenir à 3 points de la Lazio s'il gagne ce match de retard. La Fiorentina, ce sera d'ailleurs ce match de retard. On n'a pas encore. Oui, parce qu'ils sont encore qualifiés en plus en Ligue, en Conférence Ligue. Donc pour l'instant, il n'a pas été. Ah oui, c'est face à Bergame, justement. C'est ce fameux match face à Bergame. Ça veut dire que pour la Bergame, ils ne savent pas trop où ils vont être. Et puis pour Fiorentina, c'est aussi important parce qu'ils ne peuvent pas trop se situer. Et pour l'instant, ce match-là, il n'a pas de date. Hein. Puisque Bergame. Si Bergame. Un peu se qualifier en finale de Ligue Europa, ils vont avoir 2 matchs par semaine. Pas de malheur. Donc pour l'instant, la Fiorentina reste un petit peu un petit peu sous le coup de cette de cette équipe de Bergame qui sait pas trop encore ce qu'elle va faire. Donc bah pour l'instant Fiorentina ils sont 8e, hein. Pour l'instant ils sont pas en qualifiés en Coupe d'Europe, mais il reste encore des matchs. Napoli 50 points, bah qui a aussi un match de moins. Donc c'est pareil, c'est un peu pareil pour Naples, c'est que bah Naples peut encore espérer chercher des choses, hein. Voilà, Napoli qui jouera d'ailleurs donc bah qui joue ce soir. C'est ce soir le match de retard. Enfin c'est, en ce moment d'ailleurs. Non c'est quand, pardon. J'arrive plus à retrouver le match. Non, c'est pas le match en retard en fait, ils jouent leur 35e journée ce soir. Ah c'est ça, c'est le match du jour. Donc bah Naples. Naples qui a marqué là, but d'Osimhen il y a 2-3 minutes, je sais plus si tu l'avais dit. Ah non, je l'ai pas vu, non. Ah bah voilà. Donc Naples qui repasse 8ème, du coup qui dépasse la Fiorentina pour l'instant. Et qui reviendra à 3 points de la Lazio, donc tout est encore possible. Par contre en bas, donc Salernitana, on le disait, c'est fini depuis un petit peu. Sassuolo, Udinese 29. Udinese qui joue en ce moment, bon, pour l'instant, ouais, qui restera 29 points. Empoli 32 points, donc 3 points d'avance pour l'instant sur cette zone rouge, tout comme Frosinone. Pour l'instant, à 3 matchs de la fin, donc c'est pas encore tout à fait terminé pour toutes ces équipes-là. Ce week-end, est-ce qu'on a des affiches sympas à suivre? Oui. Oui, ah oui. Surtout Atalanta-Roma, justement, on en parlait pour cette 5e place. Donc, il va être le match à suivre, justement, pour cette Ligue des Champions l'année prochaine à suivre. Et puis, on peut noter éventuellement un Naples-Bologne qui peut être intéressant pour que Bologne vraiment. Que ce soit définitivement sur cette 4e place et même définitivement sur potentiellement sur la Ligue des Champions. Et puis pour Naples, comme tu disais, qui continue, peut toujours rêver d'Europe, potentiellement de la Conférence League. Donc ça reste un match intéressant à suivre aussi. Ok, donc Bergame à Roma, ouais, ça va être sympa. Ce sera dimanche à 20h45, cette affiche-là. Voilà, belle affiche en soirée. Et puis donc nous on aura Fiorentina Monza donc à suivre lundi prochain. On va en Espagne maintenant, la Liga, là aussi les enjeux pour l'Europe, puisque pour le titre c'est fait. L'Espagne avec la 34e journée, c'est ça. Avec d'abord le Real qui s'impose de nouveau et qui est pas titré encore. Mais si ça y est, puisque le Barça n'a pas gagné. Donc si c'est fait. Du coup après pas à ce moment-là du match. Non. Mais maintenant on le sait. Mais en tout cas le Real qui s'était donné toutes les chances en gagnant 3-0 d'abord face à Cadix. Je sais pas, c'est peut-être beaucoup de choses à dire, mais. Non, sur le Real, non, ils ont surdominé le match, ils ont fait leur match, il y a eu 3-0, un très beau but de Brahim Diaz pour l'ouverture du score à la 52e, d'une belle frappe, un petit peu excentrée, mais à l'entrée de surface, pleine lucarne opposée, donc très beau but. Non, globalement, le Real a fait son match, ils ont mis ces 3 buts-là en seconde période, mais ils avaient déjà dominé cette première période. Non, ils ont fait leur match, ils ont été chercher leur titre, même si tu as dit à l'issue du match, c'était pas encore ça à 100%. Il fallait que le Barça ne gagne pas son match à Gérone. On va en parler juste après. Mais match très sérieux du Real avant le match retour contre le Bayern. Pas grand-chose à dire, mais très très beau Real qui a un petit peu fait tourner aussi, évidemment. On jouait notamment Güler ou encore Modric qui a commencé, Brahim Diaz, Rossellou en pointe. Un match très sérieux de la part du Real. Et puis du coup, le Real qui a appris par la suite qu'il était champion après la victoire de Gérone face au FC Barcelone. 4-2. Et par la même occasion, ça permet à Gérone aussi de conserver, de se qualifier, ça c'est certain, pour la Ligue des Champions, en gagnant plus qu'à 2. Belle victoire, et on a retrouvé un peu Gérone il y a quelques semaines qui était déjà très très bien et qui gagnait face au gros. Et il se sécurise enfin cette Ligue des Champions. Ah ouais, c'était un très beau match honnêtement. Un très gros début de match avec le Barcelone score pour le Barça de Christensen dès la 3e minute et puis la réponse quasi directe après après le premier but du Barça, Gérone voilà qui va tranquillement mener son offensive et qui va aller marquer de par Dovbik une très belle action. Ça fait déjà un partout en 5 minutes. Et puis, bon, Lewandowski qui va venir marquer le deuxième but pour le Barça juste avant la mi-temps sur penalty. Et puis, au retour des vestiaires, ouais, le Barça qui fait un très bon retour au vestiaire. On dit que le Barça va tranquillement, entre guillemets, mais ils vont gérer. Ils vont peut-être, ils ont eu les occasions de marquer un troisième but. Et puis, au final, il y a un tournant dans ce match. C'est l'entrée de Porto côté Gérone à la 65e. Et qui va venir marquer dès la 65e justement, qui va venir marquer, qui va 2 minutes plus tard offrir une passe décisive à Gutiérrez pour le 3-2 pour Gérone, et Porto qui va marquer un doublé moins de 10 minutes plus tard à la 75e. Donc en seulement 10 minutes après son entrée, le gars il a mis 2 buts, une passe D, avec son deuxième but qui est juste sublime, un ballon qui lui vient dans le dos en l'air, il a à l'entrée de surface très excentré côté droit, il va mettre une reprise de volée sans réfléchir, mais il la prend magnifique. Et ça finit petit filet opposé. Enfin, vraiment, j'invite tout le monde à aller voir ce quatrième but de Gérone. Une reprise de volée magnifique. Et donc un gros match de Porto qui, comme tu l'as dit, va donner la victoire à Gérone, qui donnera le titre au Real et qui va sceller le sort de Gérone en Ligue des Champions pour l'année prochaine aussi. Donc un très gros match, très plaisant, très ouvert, historique pour Gérone, historique entre guillemets pour le Real aussi, même si bon, c'est pas le premier titre évidemment de champion d'Espagne. Mais voilà, un match, un très très bon match qui était très important en Liga ce week-end et qui vraiment va être très très beau à suivre. Autre victoire importante, c'est de l'Atlético hein, qui a gagné à Mallorca. Pourquoi ? Puisque avant cela, vendredi, eh bien Bilbao avait gagné face à Getafe. Donc Bilbao s'était rapproché un petit peu à 4 points seulement de l'Atlético, et une victoire qui fait beaucoup de bien. C'est Riquelme, le nick buteur, assez tôt d'ailleurs dans le match. Et c'est important, ça permet de reprendre ces 6 points d'avance donc à la 4e place, et de rester toujours installé sur cette Coupe d'Europe, sur cette Ligue des Champions. Et bon, il reste 4 matchs, hein, c'est encore beaucoup, mais ça permet de quand même de voir venir derrière avec 6 points d'avance en 4 matchs. C'est quand même assez confortable. Ouais, c'est assez confortable. Après, justement, on va pas falloir se prendre les pieds dans le tapis, il va falloir rester sérieux jusqu'au bout. Voilà, c'est un match classique de l'Atlético, plutôt fermé, en tout cas pas un match ouvert, 1-0, but de Riquelme dès la 5e minute de jeu. Mais il va falloir rester sérieux sur ce match-là. Il y avait quelques absents côté Atlético, notamment celui de Griezmann, bien sûr. Un match sérieux de la part de l'Atlético. Il va falloir continuer comme ça, ouais, comme tu l'as dit, pour les 4 derniers matchs de la saison, pour ne pas voir Bilbao rattraper les Colchoneros, c'est mettre de la pression, mais pour l'instant ouais, c'est bien parti pour eux. Et puis donc derrière, on va vous dire au classement, donc on va y revenir, le Real 87, donc Gérone 74, le Barça 73, l'Atlético 67, Bilbao pour l'instant 5e 61, avec un peu d'avance sur la Real Sociedad qui a 54 points, 5e place Ligue Europa et Conference League. Donc barrage Conference League, c'est pour l'instant pour la Real Sociedad, mais le Betis n'est qu'à 2 points. Et un petit peu plus loin, même Valence peut encore y croire. À 47 points, c'est encore possible. Or, en revanche, en bas, Almeria, donc 17 points, qui, pour le moment, à quoi ils sont déjà descendus. Oui, ça y est, 15 points de retard, c'est terminé. Mais par contre, ils ont gagné leur deuxième match de la saison ce week-end, en championnat. C'est vrai, c'est fait bien. Ils ont gagné 1-0 contre Vallecano. C'est ça. Et ouais, et c'est trop tard, malheureusement. Fallait, oui, c'était avant. C'est trop tard, mais bon. Mais voilà, ça. Ça noté. Rappelle, il y a quelques semaines, quand on n'avait pas encore de victoire, on les vannait pas mal. Voilà, ils ont répondu, 2 victoires. Bon, ils descendent, mais. Mais ils ont gagné un match. Grenade, 21 points. Il y a quand même 11 points de retard. Ça va peut-être se jouer ce week-end. Hein, ça y est, hein, pour Grenade. Ouais. Pour Cadix, c'est encore possible. Sur Mallorca, notamment. Même Rayo Vallecano, Celta Vigo, c'est pas fini. Tout cela, ils peuvent encore. En tout cas, ils vont se battre. Ben, Grenade, 19e, ça va être compliqué. Ils jouent contre le Real ce week-end. Ah, bon, voilà. ça peut être scellé ce week-end. Surtout pourquoi pas, si le Real se relâche après leur Ligue des Champions, puis après, maintenant qu'ils sont titrés. Ils veulent peut-être jouer se montrer en champion, en gagnant, tu vois, aussi. C'est possible aussi. Il y a un Barça Real Sociedad qui est sympa aussi. Ouais. Pour la Real Sociedad, surtout, ça permet de peut-être rester 6e pour le Barça et chercher pourquoi pas la 2e place, c'est peut-être aussi l'objectif. Et hormis ça, il y a Valence aussi qui va jouer pour aller chercher peut-être mieux face à la Rayo Vallecano. Ouais, il n'y a pas grand chose après, hein, en confrontation directe. Voilà pour la Liga, et on finit avec la Première Ligue. Première Ligue, et donc la journée numéro 36 en première ligue. Avec Arsenal qui démarrait hein, parmi les deux encore prétendants au titre. Bon, bah, sans écarter Liverpool, mais quand même, on sent que ça va être trop compliqué maintenant pour Liverpool. Hein. Ah, bah, Liverpool, c'est mort. Qui est trop loin pour espérer quelque chose. On a donc Arsenal d'abord qui lançait le bal, on va dire, en gagnant tranquillement face à Bournemouth. Voilà, ils n'ont pas forcé leur talent et ça permet à ce moment-là de rester. Et pour le moment, on va toujours rester en tête, puisque City a toujours un match de retard, mais voilà, tranquillement, ils n'ont pas forcé hein, Arsenal pour gagner ce match. Bon, ils n'ont pas forcé, ils ont surdominé Bournemouth, en fait, tout simplement. Hein. Arsenal, ils ont dominé tout le long du match, il n'y a pas eu un temps faible. Voilà, ils ont marqué 3 buts, ça arrive un petit peu tardivement, on va dire ça, avec un but de Saka sur penalty à la 45e, et puis Trossard et Rice en fin de match. Rice a d'ailleurs fait un gros match en donnant une passe décisive et puis en marquant à la dernière minute du match. Donc un gros match de Rice, mais une grosse performance d'Arsenal, on va dire ça comme ça quand même. Ils ont quand même surdominé cette équipe-là, 3-0, et ils assurent pour l'instant ce sprint final. Comme tu l'as dit, City a toujours un match de retard et donc un point de moins que Arsenal premier. Mais Arsenal pour l'instant fait le job et il reste plus que deux matchs à assurer. Mais pour l'instant Arsenal tout va bien, ils ont, comme j'ai dit, surdominé ce match, 25 tirs à 7, ils se sont rassurés et voilà, ça fait 3-0 et c'est très propre. Donc pour l'instant Arsenal reste devant malgré donc la victoire de City un peu plus tard samedi, là aussi 5-1 face à Wolverhampton. On a retrouvé un grand Haaland avec un quadruplé et avec un dernier but aussi d'Alvarez et ça permet de remettre la pression à Arsenal et on est content de trouver un grand Haaland encore. Ça faisait un petit peu là, quand même. Ouais, ça faisait quelques temps qu'on ne l'avait pas vu déjà marquer autant de buts sur un match et même buteur. Enfin, on l'a vu il n'y a pas trop longtemps, mais c'est vrai que ça fait du bien aussi de le revoir un petit peu comme ça, très tranchant dans la finition. Il y a eu deux pénalties sur ces quatre buts, mais évidemment, il faut les marquer aussi. Oui. City vraiment à la même image qu'Arsenal un peu plus tôt dans la journée, ils ont surdominé ce match-là contre Wolverhampton, même si eux ils ont pris un but, mais en 5-1, pas grand chose à dire, hein, ils ont vraiment fait leur match. Il y a eu un gros match aussi de Rodri qui a fait deux passes, évidemment d'Haaland comme on l'a dit avec son quadruplé. Pas grand chose de plus à rajouter, victoire pareil très sérieuse de City 5-1. Comme tu dis, qui continue à mettre la pression sur Arsenal et toujours avec ce match en retard, donc ça va être vraiment palpitant jusqu'au bout ce duel au sommet. Et ce sera face à Tottenham le match hein, de retard, ce sera la semaine prochaine, programmé pour se remettre à jour. Assez rapidement, Chelsea là aussi gros score 5-0 face à West Ham, qui leur permet de toujours croire à une place en Coupe d'Europe. Hein. Ils sont plus que jamais accrochés. On les avait un peu enterrés il y a quelques temps, mais finalement, ils sont revenus. Hein. La septième peut être qualificative. Ça va dépendre de... finale. Ouais, alors, de la finale. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une place qui s'est libérée grâce à Liverpool qui a gagné la Coupe de la Ligue. Donc, ça veut dire que le sixième va devenir européen. Et ça va dépendre de la finale de la Cup, puisque si City gagne cette place, cette finale, la septième place deviendra. Si c'est United qui gagne, et ben ça dépend où sera United en fait, parce que pour l'instant United sont huitième, ils jouent en ce moment, ils peuvent en cas de victoire repasser sixième, qui est qualificatif cette place à la sixième, donc ça libérera une septième place. Ça va dépendre de plein de choses quand même. Mais on en est où là, Palace United là, en ce moment? Pour l'instant, il y a 2-0 pour Palace. Donc pour l'instant, c'est mal engagé. Ouais. Ça vient de reprendre il y a 3-4 minutes. Donc pour l'instant, ça se passe pas bien. Mais il va rester 3 rencontres. Si United arrive à accrocher une place, après, je vois quand même mal City ne pas gagner la finale. Mais ça veut rien dire. Hein. Mais en tout cas, potentiellement une 7ème place pour être qualificative en Europe, donc pour l'instant Chelsea y est, hein, plus que jamais. Hein. Ouais. Non, mais pas grand chose à rajouter en plus. En plus, j'ai pas eu le temps de voir le résumé de ce match-là de Chelsea contre West Ham. Donc voilà, mais ça va être une belle bataille justement pour l'Europe entre Chelsea et United. Il y aura, je pense, un malheureux entre ces deux gros. Quoi. À moins que Newcastle soit le grand perdant, mais. À moins que, ouais. Mais bon, il reste 3 matchs et puis encore cette finale de Coupe d'Europe à jouer du coup. Et puis donc Liverpool qui s'impose 4-2, voilà, bon, pour Liverpool c'est un peu terminé, même bien terminé je pense désormais, et il s'impose quand même 4-2, voilà, et face à Tottenham hein, qui pour l'instant est toujours qui tire la corde pour la cinquième place, mais attention parce que il y a plus que 4 points d'avance sur Newcastle, donc pareil, Tottenham n'est pas tout à fait en sécurité, et malheureusement pour eux, 4 défaites d'affilée, et ils perdent du terrain sur Villa qui est pour l'instant en Ligue des Champions. Tottenham qui a encore un match à jouer face à City, on rappelle, de retard, donc c'est pas la meilleure des positions maintenant avec ces 4 revers de suite. Ah bah c'est clair, et puis en plus ça va qu'ils ont entre guillemets un petit peu réagi en fin de match là face aux Reds, mais il y avait 4-0 hein, pour Liverpool à l'heure de jeu. Oui, hein, donc, oui. Ils ont marqué 2 buts à la 72e et 77e par Richarlison et Son, mais ouais, c'est très mauvais passe pour Tottenham. Ils finissent mal cette saison, et ouais, après ils ont joué contre des gros hein, entre guillemets. Ils avaient joué là de suite Newcastle, défaite 4-0 à Newcastle, défaite 3-2 contre Arsenal, défaite 2-0 à Chelsea, la défaite 4-2 à Liverpool. Donc c'était que des gros matchs mine de rien. Bon, même si ils étaient censés potentiellement gagner contre Newcastle ou Chelsea par exemple, mais ça n'a pas été le cas, donc là c'est sûr que ouais, Tottenham cette perte de points consécutive, ça peut leur faire mal, donc et là ouais, ils sont à 7 points de Villa, donc ça va être très très compliqué là pour la Ligue des Champions, voire impossible hein, ouais. Et attention de ne pas tout perdre et sortir Newcastle, de notre... ouais. Donc le classement, donc, Arsenal 83 points, City 82 à match de retard, Liverpool 78, Aston Villa 67, Tottenham 60, Newcastle 56, Chelsea United 54. Et puis donc en bas, Sheffield United, c'est terminé, ça y est, depuis déjà la semaine dernière. Ah oui, j'avais pas vu, 100 buts encaissés, j'avais pas fait attention. Ah ouais ? Ah oui, ils ont atteint, ça y est, la barre des 100 buts encaissés. Ils ont moins 65 quand même. C'est fort. Grâce ils sont parvenus grâce à la défaite 3. Ouais. Donc, ça y est, 100 buts encaissés, c'est rare hein, quand même. C'est fort. Et 35 buts marqués, c'est énorme. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des moins 65. Même les plus mauvais en Ligue 1, ça n'a jamais arrivé, je crois. Tu vois, je regarde Almeria justement en Espagne. Ah, ils sont beaucoup mieux que ça, je crois. Ah non, ouais, moins 34. Ah, tu vois, ils en sont la moitié. C'est 65, ouais. C'est énorme. Oh, 35 buts, bon, c'est pas sur. Quand tu vois Burnley sur 39, c'est pas beaucoup d'écart. Même Everton sur 38, mais c'est les buts encaissés qui sont fous. C'est ouais. Que 100 buts encaissés, c'est de la folie, quoi. Que derrière, West Ham, ils ont quand même pris 70, hein. Mais là, c'est 100, c'est quand même incroyable. Donc, c'est fini pour Sheffield. Burnley, 24 points. Luton, 26. Nottingham Forest, 27. 29. Brentford, 36, c'est fini. Ils sont maintenus. Par contre, ça va se jouer entre Nottingham, Luton et Burnley. Deux des trois vont repartir. Deuxième division. Et tiens, j'en parle puisque je l'ai vu là hier ou avant-hier. On va avoir le retour de Leicester en première ligue. Ouais, puis Ipswich aussi. Ipswich qui est pas depuis 22 ans, je crois. Ipswich qui n'était pas remonté, je crois. Oui, c'est ça. Et Leicester. Et ouais, Leicester avec Vardy qui est encore là. Qui est encore là et qui a marqué et qui a permis aussi à son équipe de. Tiens, c'est Mpokora qui rentre non, pour lui. Non. je me suis la même chose. Ah, on aurait dit un peu. Alors que lui met toujours 2-0. Donc ouais, le retour d'Leicester et de Vardy l'année prochaine. Cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Alors d'ailleurs, on a quasiment tous les matchs en même temps, samedi à 16h, hormis Manchester Arsenal. Ah ouais, d'ailleurs, beau Manchester Arsenal, j'avais pas vu. Dimanche, ce sera le seul match d'ailleurs. Important pour les deux équipes. Hein. Bah, déjà, c'est un classique de la première ligue, United Arsenal, c'est vraiment une grosse rivalité. Mais en plus, United, on l'a dit, pour espérer une Coupe d'Europe l'année prochaine, et puis évidemment Arsenal pour le titre. Donc, ouais, gros match qui va être vraiment très intéressant ce week-end. Ouais, c'est pour ça qu'il a été mis, dimanche tout seul. Mais sans tous les autres affiches, samedi à 16h, on aura le déplacement de City à Fulham, notamment pour le titre en ligne de mire. Donc voilà, les matchs du week-end. Et on n'aura pas de match lundi. Pour une fois, on n'aura pas de. Je crois qu'on va plus avoir grand chose lundi maintenant, puisque ça y est, les matchs vont se jouer quasiment. Les journées vont se jouer quasiment en simultané. Ah bah si, on aura Aston Villa, Liverpool quand même. Non, match en retard. Match de retard. Non, match. C'est le. Ce sera la. Bah non, alors Aston Villa, Liverpool, c'est pas samedi, non? Je dis des bêtises. C'est qu'à mon avis, il y a un petit souci dans la programmation. Il y aura ce match-là quand même qu'on pourra suivre. Donc la 37e journée. Oui, c'est ça. Il y aura un match lundi. Ce sera Aston Villa Liverpool qu'on suivra. Donc voilà aussi deux Européens qui vont s'affronter. Oui, il y aura uniquement ce match-là lundi. Donc on aura quand même un match à suivre lundi. Donc ça c'est plutôt sympa. Sinon, bah voilà pour la première ligue. On va revenir en France. On est déjà 22h17. On est vraiment pas en avance. On va vite filer sur les matchs. Tiens, il y a Mpokora qui va rentrer du coup. Ça y est, il vient de rentrer. Mais sans rigoler, sans être méchant, c'est qui ce joueur du coup? Je ne sais pas. J'ai pas eu le temps de voir. En tout cas, c'est Goodmanson qui sort et du coup qui cède sa place. Non, à l'entrant, j'ai pas eu le temps de voir qui était rentré. Mais c'est bien ce qui me semblait, mais je l'ai pas reconnu. Mais non, mais c'est Rémi Cabella. Ah oui, c'est Cabella. Je l'ai pas reconnu en fait. Non, mais ok. Voilà, bon bah voilà, Donc 2-0, toujours pour Lille. On file en France, je le disais, avec les matchs de national très rapidement. Le maintien n'est pas encore fait pour Orléans après un nouveau match nul presque plus d'un mois et demi sans gagner, hein. Ça commence à faire long, mais ça remet pas en question le maintien. Alors d'ailleurs, le match face à Nîmes où il y avait potentiellement 3 points à récupérer de pénalité, finalement la décision était prise, ça n'a pas eu lieu. Donc Nîmes conserve ses 3 points, Orléans ne récupérera rien dessus. Donc il faudra se battre sur le terrain. Là, match nul à Épinal 0-0. Ça reste à la 11e place, Orléans 40 points. Désormais, c'est la toujours 5 points d'avance sur Villefranche. Il y a Châteauroux entre les deux à 39 et Orléans 40. Donc attention, il reste 2 matchs. Il y a quand même 5 points d'avance, ça sent quand même bon. Mais attention de ne pas s'écrouler complètement. Le Red Star, on disait donc c'est fini et qui plus est sera probablement champion. Hein, il reste 2 matchs, il y a 6 points d'avance. Ah, puis vous jouez le Red Star ce week-end. Ben ouais, le Red Star il peut avec un nul s'assurer complètement le titre. Martigues 56 tient aussi la barque pour la deuxième place. 4 points de retard pour Niort avec 52 et puis Nancy avec 50 points, ça va être un peu juste. Pour aller chercher la montée. En revanche, Cholet, c'est pas complètement fini, mais on va pas se le cacher, hein, il y a beaucoup trop d'équipes entre les deux, ça va probablement redescendre. Ensuite, Épinal, Marignane, Gol FC, Avranches, Villefranche, tout cela vont se battre pour le maintien. Et puis Châteauroux. Orléans joue le Gol FC, en dernière journée aussi. C'est ça. Donc, voilà. Probablement, il y a quand même, parmi les 6 que j'ai cités, il y a quand même 4 ou 5 qui vont descendre, sûr. Et ouais. Voilà, il y en a un qui pourra peut-être aller se sauver, en passant devant Châteauroux, mais voilà, il y a quand même 4 points sur les 2 dernières journées, ça paraît compliqué. 33e journée, donc c'est vendredi 21h, tous les matchs. Donc Orléans Red Star, voilà. Possiblement champion, potentiellement champion qui va revenir à Orléans, donc samedi. Vendredi à la source, et puis après, on le disait, il y a Gol FC, un déplacement. Ce sera cette fois le samedi à 18h. Cette dernière journée. Blake a dit sur Canal Plus qu'il avait, on ne sait pas s'il va rester ou pas, mais qu'il avait pris sa décision en tout cas. C'est ça, ouais. Son futur. Exactement. La Ligue 2, très rapidement au CER, c'est fait. Qui va. C'est fait, on a les droits. C'est fait, c'est signé. Mathématiquement, puisque il y a encore 6 points d'avance et une grosse différence de but en faveur, mais c'est tout comme, et le titre de champion en plus qui est quasiment aussi assuré puisqu'il y a aussi 6 points d'avance sur Saint-Etienne et Angers. Mauvaise opération, c'est Saint-Etienne du coup qui a fait match nul à Guingamp samedi 2-2, alors que un peu plus tôt ce vendredi Angers avait gagné 2-1. Donc la deuxième place ce sera ou Saint-Etienne ou Angers, ils sont en égalité avec 64 points et ça va se décider sur ces 2 dernières journées. Il y aura d'abord Pour Saint-Etienne, la réception de Rodez. Et pour Angers, on aura le déplacement à Annecy. Voilà, donc pour Rodez et Annecy, qui joue plus grand chose. Hein. Rodez est quatrième et pourra plus chercher la montée, c'est trop tard. Annecy 45 points qui est bien parti pour se maintenir. Normalement, ça devrait, oui, ça s'est fait puisqu'il y aura, il y a 10 points d'avance, donc c'est fini. Donc plus d'enjeux pour ces deux-là. Donc pour le bas de tableau, Valenciennes, c'est terminé. Concarneau, Quevilly, Rouen, Étroit, et voilà, c'est ces trois-là qui vont se battre pour les deux dernières places pour le maintien. Voilà, donc ça va être ça les enjeux des deux dernières journées. Et clôturons avec la Ligue 1. On a 8 minutes. Non, ça va être compliqué, mais on va faire un petit peu plus. Il y a 4 descentes en Ligue 2 cette année, on est d'accord. Il y a 4 descentes en Ligue 2, oui, puisqu'on va retrouver Ligue 2 à 18 clubs. Donc il y a 2 montées et donc 4 descentes. 3 ça va être compliqué hein, quand même. 3 ça va être oui, alors j'ai dit quoi, pardon, je me suis trompé alors. Bah, t'as dit que 3 Quevilly et Concarneau vont jouer le maintien, mais c'est quasiment mort. Bah, Concarneau c'est mort. Quevilly-Rouen c'est fini. Quevilly-Rouen c'est fini et aussi. Et 3 un espoir minime, mais c'est très très compliqué. Alors, il y aura déjà un match de retard à jouer. Ouais. Ce sera. Je sais pas, j'ai pas la date de report, mais il y a un match de retard face à Valenciennes à jouer. Et pour Valenciennes, bah c'est le. Oui, non, je sais pas, j'ai pas la date. Ah non, le match a été arrêté, pardon, c'est vrai. Ah oui, c'est ce match-là, bah, il y a que les fumigènes. Oui. Et d'ailleurs, le match ne se jouera pas, hein, c'était quasiment fini. Hein. C'était terminé hein, entre Troyes et Valenciennes. J'ai pas suivi le. Il y avait un partout et. Et il restait c'était traditionnel je crois hein, donc on va pas reprendre le match à mon avis non c'est je pense que c'est fini hein. Avec ce point alors si on en reste là ça fait un point de plus ça fait 38 donc il y a encore un infime espoir mais il faut gagner les deux matchs et que Dunkerque perde ces deux matchs voilà la seule possibilité pour 3 de rester en Ligue 2. Et donc terminons cette fois-ci avec la Ligue 1 alors qu'on suit toujours un Lille-Lyon ça bouge pas, hein. Lille est bien parti pour s'imposer hein, je pense hein. Et alors que dans les autres matchs 3-0 pour Crystal Palace face à United, ouais, c'est plié à mon avis 62 minutes et Napoli tient toujours 1-0 et il reste 10 minutes donc voilà c'est bien parti aussi pour le Napoli. La Ligue 1 donc bon, ça va être plus rapide y a que 7 matchs à débriefer. On va démarrer avec Toulouse-Montpellier bon, assez rapidement puisque c'est bon, un match où il y avait peu d'enjeux. Voilà, victoire de Montpellier 2-1 qui revient en fait à hauteur de Toulouse à la 10e place. Voilà, c'était peut-être le seul enjeu de repasser devant Toulouse. Victoire 2-1 avec une fin de match un peu hachée, il y a eu 2 cartons rouges et officiellement ça permet à Montpellier d'assurer le maintien et d'être à 40 points. C'était peut-être le seul enjeu, même si le maintien était quasiment fait. Hein. Voilà, donc bon, je passe à autre chose à rajouter, mais. But ouais. Pour Lyon, en fait, un but de Ben Rabah. Ça peut relancer ce match. Ah ouais. Beau but, en plus, c'est une belle. Belle lucarne. Alors, on est en train de discuter là, autour de l'arbitre, autour de. Ouais, et peut-être la VAR qui intervient. Là, Rudy Buquet, je crois. Ouais, je crois que c'est lui. Ouais. C'est Rudy Buquet qui a aussi fait ce soir. Donc on va non Benoît Bastien pardon c'est Benoît Bastien ah oui toi donc ça discute avec le VAR on sait pas peut-être pour un potentiel commission de hors-jeu main à l'oreille et ça doit ça va se décider maintenant probablement est-ce qu'on a vu peut-être un hors-jeu j'ai pas eu le temps de voir l'action donc en tout cas ça discute il va siffler est-ce qu'il va siffler et non but accepté validé but pour Lyon ouais. Donc ça relance un peu cette rencontre, même complètement, parce qu'il reste 20 minutes à jouer. Donc tout est encore possible. On va peut-être la revoir à l'action, j'aimerais bien voir pourquoi il y avait cette discussion. Moi je pense que c'est hors-jeu, je pense que c'était une position de hors-jeu, ouais. Je pense qu'elle était vérifiée. Oh, quoi que. Il part bien derrière quand même. Je vois pas pourquoi ça a mis autant de temps, parce que c'est flagrant. Hein. Il est... Ah ouais, là, peut-être pas sur cet angle-là. Il est... Sur cet angle-là, il paraissait... Oh, quoi. Ah non, c'est au départ. C'est... c'est une position avant, ouais. C'est avant, pardon. Ok. Ouais, ouais, donc c'est, effectivement, c'était un peu plus juste. Bah, belle frappe. Hein. Donc 1-0, 1 partout, 2-1. Non, j'étais en train de regarder l'autre match. 2-1 pour Lille, toujours. Pour Lille. Attention, ça peut se jouer. Donc on peut Lille, victoire 2-1, c'est ça, face à Toulouse. Match important pour Lens, qui bat Lorient et qui condamne presque Lorient maintenant. Hein, avec, en tout cas, qui les condamne à au moins chercher le barrage, mais pour le maintien direct, ce sera fini. Et pour Lens, c'était important de gagner, hein, évidemment, pour se relancer et rester sixième. Et donc, victoire 2-0. Voilà, but de Wai. Et deuxième but pour Pereira da Costa. Donc, voilà, il se rapproche de l'Europe. Hein. On avait dit, Lens était un petit peu en temps de scie. Hein. Il y avait eu une défaite la semaine dernière face à Marseille. Hein, on s'en souvient. Et avant ça, il y avait eu aussi des matchs en temps de scie. Une victoire qui fait vraiment du bien et ça leur permet de quasiment sécuriser la sixième place maintenant. Bah, elle est quasiment acquise, ouais. À moins qu'ils perdent leurs deux derniers matchs et que voilà, Rennes ou Marseille, ça suive bien derrière, ou même Lyon. Mais ouais, c'est... En tout cas, ils ont leur destin entre leurs mains pour avoir minimum cette sixième place à la fin de la saison. Quoi. Donc 2-0, victoire de Lens face à Lorient. Rapidement, Le Havre-Strasbourg. Pour le Havre, c'est une victoire qui fait beaucoup de bien, hein. 3 points importants qui permet du coup de n'être plus au contact de Metz, hein, et plus barragiste, hein, vraiment 3 points d'avance maintenant sur Metz, c'est vraiment très important. Pour Strasbourg, c'est une défaite qui devrait pas changer grand chose maintenant, puisque le maintien est assuré, hein. 7 points d'avance, il reste plus que 6 à prendre, donc c'est fait, donc ça n'a pas d'incidence. Pour le Havre, en revanche, c'est vraiment super important. Puis on va noter, tiens, le but d'André Ayou, c'est Marseillais, qui a marqué pour finir la rencontre. Donc 2-3-1. Donc voilà, pas grand chose à rajouter. Ça va permettre voilà, de souffler un peu avant les deux derniers matchs. Monaco qui recevait Clermont. Voilà, il y avait un enjeu surtout pour Monaco. Pour Clermont, bah, on savait que ça allait être compliqué maintenant de se maintenir. Ils peuvent encore aller chercher la place de barragiste maintenant, mais ça va être super compliqué. Et Monaco qui, avant Brest et avant Lille, qui avait commencé par gagner, voilà, ça a été un match globalement maîtrisé, hein, face à Lanterne Rouge. Ils n'ont pas forcé leur talent, les Monégasques. Et à noter, bah, Ben Yedder qui continue de marquer encore cette fois, deux fois. Ça avait déjà été le cas contre Lyon la semaine passée. Cette fois ou deux fois ? J'ai dit ? Cette fois ou deux fois ? Cette fois-ci, deux fois. Et comme la semaine passée face à Lyon. Voilà, on avait le retour d'Embolo aussi qui revenait de blessure, qui a marqué aussi pour son retour en Ligue 1. Et puis Minamino toujours très très précis et très important dans le jeu monégasque. Et du coup, bah, ça permet à Monaco de rester bien deuxième. On le verra en plus grâce à la match nul de Brest. Et ben, ça leur permet de sécuriser un peu plus cette deuxième place. Je sais pas si t'as un mot à rajouter. Non, pas spécialement. Ok, bon, on poursuit alors avec Rennes, qui a été battre Metz, donc 3-2. Et là aussi, c'était important pour Rennes, toujours y croire, toujours rester accroché à cette septième place. Bah, surtout que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais quand on parlait de Lens, mais ce week-end, c'est Rennes-Lens, justement. Donc, ça va être chaud et ça peut permettre à Rennes, en cas de victoire, de revenir à un petit point. Hein. Donc c'était important, vraiment, après la victoire de Lens, de gagner aussi face à Metz. Qui de son côté reste du coup barragiste à l'heure actuelle. Et ça c'est pareil, ça s'est joué en fin de match, ils étaient menés 2-1, les Rennais ils ont renversé le match, Bourigeau sur penalty, puis Kalimundo en fin, toute fin de match, alors qu'il y a eu un rouge, hein, pour Metz, hein, pour Miko Tadze, qui a copé d'un carton rouge. Et d'ailleurs on l'a appris tout à l'heure, le carton qui va être retiré, hein, à Miko Tadze, puisque l'arbitre de la rencontre qui était Rudy Buquet, qui a indiqué par la suite que il s'était trompé dans sa décision et que voilà, la commission va pouvoir retirer ce carton rouge. Donc voilà, ça aura pas d'incidence pour le prochain match. C'est une bonne nouvelle pour Metz, hein, parce qu'on voit qu'il est très important depuis son retour. Il est très précieux et ouais, ça aurait été dommage de le manquer pour peut-être un ou même les deux matchs, hein, puisque c'est un rouge direct. Rouge direct. Donc ça aurait peut-être du coup été deux matchs, donc il n'aurait pas rejoué. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour Metz. Et ça ne retire pas que derrière, bah, ils ont eu cette défaite avec un but juste avant. Donc bah, Rennes qui prend trois points importants. Metz, en revanche, il va falloir se battre encore un peu pour aller chercher peut-être le maintien. Et puis Brest-Nantes, du coup, match assez terne, hein, il n'y a pas eu de grosses occasions. Nantes qui prend un point important maintenant, qui se maintient pas, mais quasiment, ils ont 4 points d'avance maintenant sur Metz. Donc c'est vraiment un point très important. Et pour Brest, bah attention, voilà, il laisse filer Monaco maintenant, qui probablement sera en bonne position pour finir deuxième. Et puis bah Lille, pour le moment, en cas de victoire, repasserait devant avec un point d'avance. Et bah voilà, on le sait, cette quatrième place, personne n'en veut, hein. Personne n'a envie d'aller jouer 4 matchs avant le début de saison. C'est sûr. Et on voit que ça peut porter. Enfin, que c'est pas toujours simple. On l'a vu avec l'OM en début de saison. On peut pas Panathinaikos. Donc c'est sûr que pour Brest, ça peut être compliqué cette quatrième place. Et alors que c'est pas fini, Lyon peut encore revenir et ça pourrait évidemment tout changer. Hein, ça permet très à Brest de rester. C'est troisième, donc on va attendre cette fin de match. Et alors on a déjà vu Lyon depuis leur bon retour depuis la mi-saison. On a déjà vu Lyon faire des petites remontadas, ouais, ou des bons retours en fin de match. Donc, c'est ça. Donc ça peut encore bouger. Crystal Palace 4-0 désormais face à United. Donc cette fois-ci c'est plié. Voilà. Donc pour Crystal Palace, c'est un vrai bon résultat. Hein. Ça permet de vraiment acter le maintien désormais maintenant avec cette victoire. Et pour United, bah on le disait, c'est dommage de pas en profiter pour aller chercher une sixième place. Napoli toujours 1-0 et à 5 minutes, c'est pas tout à fait fini. Le maintien était déjà acquis pour Palace. Le maintien était déjà pas tout à fait, hein, pas tout à fait, puisqu'il y avait 40 points et Luton 26. Et ouais, il reste 2 matchs. Bah maintenant il en reste 2, mais il en restait 3 avant. Ah oui, bah oui, pour sur Luton, pardon. Pas pour Luton. Je pensais qu'on était il y avait moins de journées que ça. Non, c'est en Espagne, on est un petit peu en retard. Donc non, pardon, c'était déjà joué. Mais bah pour United, c'est dommage, ouais, par contre. Le classement actuel, pour l'instant, avant les matchs, c'est encore à jouer. Donc le Paris Saint-Germain 70 points, Monaco 61, Brest 57, Lille 55, Nice 51, Lens 49, Rennes 45. On a Marseille à 44 points, mais un match de retard. Lyon pour l'instant 44 points en direct. Et en bas, donc on l'a dit, hein, pour Clermont 25, pour Lorient 26, Metz 29, Le Havre 32 et Nantes 33. Voilà les équipes qui vont se battre jusqu'au bout pour ces deux places de descente et cette place de barragiste. Du coup, il y aura encore donc Nice-Paris et Reims-Marseille. Donc ce sera mercredi 15. Hein, il y aura encore un week-end à passer avant ces matchs de retard, et donc c'est des matchs qu'on pronostiquera du coup la semaine prochaine. Avant cela, bah pour l'instant et eh bien 4 partout, hein, c'est serré, 4 partout, alors que toi t'as dit Lyon, hein, donc c'est encore possible. C'est compliqué, mais c'est encore possible. Et moi j'ai mis match nul, donc je suis pas encore dans les clous. C'est possible aussi. Ça peut encore se faire. Et puis donc Nice Paris, Reims Marseille, ce sera lundi prochain. Nous on va pronostiquer du coup la 33e. J'étais encore sur les les 20 équipes. Donc non, 33e journée, avant-dernière journée, on y va avec ces premiers matchs. Ce sera vendredi à 21h entre Nice et Le Havre. Nice 5e, Le Havre 15e. Donc là, beaucoup d'enjeux pour Nice. La Ligue des Champions, ça semble maintenant trop compliqué, mais il faut sécuriser cette 5e place. Et pour Le Havre, eh ben, ça permettrait peut-être d'aller chercher le maintien dès cette journée. Ouais, moi je vais mettre match nul. Match nul. Ah oui, Nice, c'est vrai qu'ils ont du coup un match de retard. Ouais, du coup, comme ils jouent contre le PSG. Eh, donc attention. Attention, c'est pas fini encore. T'as dit match nul. Ouais. Moi, je vais dire Nice à domicile. Toujours vendredi à 21h, on aura Brest-Reims. Brest 3ème, Reims 12ème. Bon, plus d'enjeu pour Reims. Pour Brest, il faut essayer de garder cette place à la troisième place, je vais dire Brest. Bon. Ouais, je te suis. En plus, ensuite, on passe à dimanche 21h. Tous les matchs, d'ailleurs, seront à 21h pour la suite. Il n'y aura pas de match samedi. On aura d'abord Clermont-Lyon à 21h. Clermont dernier, Lyon 9e. Non, rien. Hein? Non, je voulais dire un truc, mais non, j'ai déjà une connerie. Donc Clermont-Lyon, je vais mettre Lyon, moi. Ouais, je vais mettre là aussi, ouais. Match suivant, on aura Nantes-Lille. Nantes 14e. Lille 4e. Nantes qui a pas complètement assuré le maintien. Lille, bah, pareil, un peu l'image de Brest, il faudra gagner pour la troisième place, pour se battre pour la troisième place. Je vais mettre Lille, moi, quand même. Ouais, je vais tenter la surprise, moi, je mets Nantes. Allez, pourquoi pas. Montpellier-Monaco. Montpellier 10e, ça y est, maintien est assuré. Monaco 2e. Et voilà, avec une victoire là, ce serait terminé. Même un nul, hein, ça pourrait suffire. Je vais mettre Monaco, moi. Ouais, je mets Monaco aussi. Ensuite, on aura Paris-Toulouse. Paris, leader. C'est quoi le gros match? C'est lequel où on met Je pense à Rennes-Lens, qui est un match entre Européens, ouais. Entre potentiels Européens. Ok. Donc, Paris-Toulouse, donc Paris leader, Toulouse. 11e, moi je vais mettre Paris. Hein. Ouais, moi aussi. On aura Strasbourg-Metz, ensuite Strasbourg 13e, maintien est assuré. Et puis on aura donc Metz en face 16e avec 29 points. Il faudra essayer de gagner pour espérer encore le maintien. Je vais mettre match nul, moi là-dessus. Je vais tenter Metz. Allez, pourquoi pas, ça peut être possible. Ensuite on aura Marseille-Lorient. Marseille 8e, Lorient 17e. Notez que Marseille joue jeudi. Hein. Ouais. Lorient qui a encore un tout petit espoir du maintien. Même pas du maintien, mais du barrage. Moi, je vais mettre Marseille quand même. Ouais, moi aussi. Hein. Plus le choix. Et oui. Et enfin, donc, ce Rennes-Lens, ça va être sympa. Rennes 7e, Lens 6e. Ça peut être très important pour Rennes de gagner. Je vais te laisser parler le premier, parce que là, je sais pas trop. Moi non plus, je sais pas trop. En cette fin de saison, je vais tenter le. Un peu quand on sait pas trop quoi mettre, hein. Je vais mettre match nul, je vais mettre deux buts partout. Bah, c'est exactement ce que je voulais mettre. Mais pareil. Il peut tellement tout se passer dans ce match. J'aurais dû Lens. Ouais, la mic est pas folle, mais Rennes, c'est la même. C'est une victoire, c'est une défaite, une victoire, une défaite, une victoire sur les trois derniers matchs. Enfin, sur les quatre derniers. Défaite, victoire, c'est vraiment la même dynamique. Et c'est vrai qu'un nul, ça peut paraître logique. Bah, tu sais, moi, j'aurais un penchant personnellement pour Rennes. En plus, à domicile, mais je les sens mieux finir la saison que Lens. Mais est-ce que je change? Je sais pas. Ah, je le sens envie de changer là. On le sent qu'il a envie de changer. Tu veux le placer dans deux partout aussi. Hein. Bah, dans tous les cas, je vais le mettre quand même parce que c'était mon idée. Ouais. Un nul déjà, ouais. Et je pensais aussi un 2-2. Ouais, non, je vais rester, parce je vais rester là-dessus. Je pensais un 1, je me dis c'est pas assez, il va y avoir des buts. Et puis 3-3, c'est peut-être trop. Donc 2-2, c'est vraiment le bon compromis. Donc je vais rester là-dessus aussi. Ouais, je vais rester là-dessus. Allez, on reste là-dessus. Et puis, réponse lundi. Et après, il nous resterait une ultime journée à faire et puis on aura clôturé cette saison. Le programme de la semaine, alors que on sait. Ah, égalisation d'Udinese pour le match de Serie A face au Napoli. 92e minute. Et c'est fini en plus, je crois. Oui, c'est fini. Ouais, c'est vraiment un coup dur pour le Napoli qui perd deux points importants, qui reste 8e. Avec 51 points, là, c'est ça se complique pour la 7e place. Deux points vraiment perdus. J'allais dire bêtement, non, mais ils ont pas tenu le choc. Et donc ensuite, on aura l'égalisation de Lyon. Oh là là, oui, ça y est, à l'instant. Ouais, c'est bon, moi ça me va. Non, faut en mettre un. On s'arrête là. Moi, j'ai mon point. De partout, attention. Lille qui est en train de perdre gros, peut-être. Ah, j'ai presque envie de rester pour la fin de match, tu vois. Il reste combien de temps? Il reste 10 minutes, ouais. Ouais, il va rester 10 minutes. Ouais, quand même, hein. Et quand même, hein. Attends, faut que je fasse l'agenda de la semaine encore, donc on peut rester encore un petit on peu à l'antenne. Ouais. Faut suivre un peu. Donc Crystal Palace United 4-0, il reste 10 minutes, bon ça va probablement s'arrêter là-dessus. Et donc, ah ouais, but, est-ce qu'il n'y a pas un hors-jeu là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas une position de hors-jeu? Je crois pas. Je sais, j'ai pas eu le temps de tout voir. Ah, il sait, le défenseur là, il fait la grimace. Ah, on le voit sur son tac, il a loupé son intervention. Ah non, il n'y a pas du tout hors-jeu, il arrive de derrière. Ouais. Donc là, ça va être validé, quoi qu'il arrive. 2-2, c'est Lyon qui revient bien encore, on l'a dit, tu l'as dit tout à l'heure, qui peut tout renverser. Ouais. Ce qu'il est peut-être en train de faire, en tout cas, il a initié une belle remontada. 2-2. Il reste. But de Fofana, du coup, on l'a pas dit. Exactement. Il reste, ouais, il va rester 10 minutes avec le temps additionnel, un peu plus peut-être. Je sais pas, il n'y a pas l'air d'avoir eu trop de. Ah, il y a eu la VAR un peu sur le but. Ouais, il y a eu quelques joueurs qui sont restés au sol, quelques instants parti par là dans cette deuxième mi-temps, donc ouais, il peut avoir facile 3-4 minutes. Ouais, j'allais dire 4-5, mais ouais, à peu près 4 minutes. Ouais. Au moins 3 minutes, je pense, ouais. Au moins. Tiens, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je sais plus. Tiens, si vous avez, il y a un bon film à voir sur la chaîne L'Équipe, c'est Rocky 3, si vous avez envie de regarder. voilà, de la boxe, c'est sur la chaîne L'Équipe, ça se passe. Ah, fait de la boxe. Ah bon ouais, tu savais pas. Là, c'est ce qui va sortir, c'est avec qui? C'est avec un jeune acteur, Sylvester Stallone. Ah, je crois que c'est une star montante. Ça démarre fort. Ouais. Attends, oh, ouh là là, attention, est-ce que ça peut être sur le troisième but de Lille? Oh, Lyon, pardon. Oh là là, bel arrêt. Ah, il était un peu excentré, notre ami. C'est Ben Rama, non? C'est Ben Rama, non, c'était pas Ben Rama. J'ai pas eu le temps de voir, mais il s'est un peu excentré tout seul. Il est pas, c'était quand même sympa. Il s'est un peu excentré, et du coup, il a pas pu faire mieux que cette frappe, mais elle est belle frappe, hein, bien sèche. Ah non, Ben Rama est sorti, donc ça peut pas être lui. Non. Je sais plus qui c'est sur la gauche, là, j'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Mais ça doit être Fofana, sûrement le buteur, je pense. Ouais, probablement. En tout cas, ça promet une belle fin de match. Ça se trouve, Lille qui va peut-être tout perdre. Pour l'instant, Lille, quel grand perdant. Qui serait derrière Brest avec un point de retard, donc il serait le grand perdant de la journée. Et puis Lyon, qui reviendra à hauteur de Rennes avec 45 points, donc c'est important ce qui est en train de se passer. Peut-être est-ce qu'on aura un corner, je suis pas certain qu'il y ait un corner qui va être accordé sur cette donc du coup on n'avait pas mis de score exact pour cette journée là du coup de prono. Non, on les mettra sur ouais. Paris et Marseille, on avait dit, ouais, sur les deux matchs. Donc, il y a aussi Domenech, je sais pas si t'as vu, qui a été débarqué de son poste de. À la FFF, ouais. Ouais, de président du syndicat des entraîneurs. Voilà, donc terminé. Alors, j'ai vu l'info, mais j'ai pas eu le temps de voir le pourquoi du comment, du coup. Bon, il a été débarqué, quoi. Il y a eu un putsch, voilà. Quoi. Voilà. Bon, c'est Domenech, quoi. Donc, on peut le virer, c'est Domenech. Voilà, voilà. Et but pour Lille. Oh là là, c'est incroyable. Fou. Incroyable. C'est fou ce qui se passe sur ce corner. Ouais, il y avait bien corner. Et du coup, doublette d'Diakité. Oh là là, c'est fou ce qui est en train de se passer. Peut-être sur cette fin de match. Lille qui arrache. Ça m'arrange pas, ça. Ah, du coup, non. Ça m'arrange plus. beau but encore. Ouais, beau but de la tête sur corner, 3-2. Puis ouais, donc Lille qui reprend la troisième place à Brest, du coup. Et Brest, ouais. qui repasse quatrième, du coup. C'est ça. Ouais, ça ça se joue à peu de choses. On va juste revoir ce but. Ouais, une belle tête, ouais. Ah ouais, Lopez qui la touche, mais. Il la touche encore, mais. Qui peut empêcher le but. Non, ouais, elle arrive vite, hein. Elle arrive très fort. Elle est bien piquée, la tête, hein, de Diakité. Ouais. Ouais, ouais, bah voilà, c'est le jeu des chaises musicales là qui se passe pour Brest qui repasse quatrième. Alors que pour terminer l'agenda de cette semaine, jour par jour, tiens, demain, d'abord ce soir, cette nuit, vous avez un rendez-vous avec la NBA. Ce sera à partir de 1h30 du matin. Au programme, deux affiches des demi-finales de conférence. Donc vous avez d'abord New York Indiana, c'est le match 1, et ensuite dans l'autre demi-finale, c'est Denver Minnesota, c'est le match 2 de cette demi-finale. Ce sera sur Beansport 2, et donc pour New York Indiana et Beansport 1. Ça c'est pour cette nuit. Demain on aura alors qu'est-ce qui se passe? Et du coup, Ah bah, il y a eu une faute, ok. Pour Lyon. Le demain, rendez-vous important pour Paris, réception de Dortmund à 21h, donc sur Canal Plus Foot, pour suivre ce match retour et aller chercher peut-être une finale dans cette Ligue des Champions. Voilà, demain aussi, début du tournoi de Rome en tennis, premier tour. Ça démarre donc pour la plupart des joueurs. Il y aura aussi de la NBA demain, évidemment. Et ensuite, mercredi, on aura Real Madrid-Bayern, donc deuxième demi-finale retour. Canal Plus ou RMC Sport 1 pour suivre le match. Ou Canal Plus Foot, il y a beaucoup de chaînes, vous pouvez suivre sur plein de chaînes. Voilà. Et il y aura également d'ailleurs Bruges-Fiorentina. Le match retour aura lieu mercredi et non pas jeudi. Voilà pour cette affiche. Et puis Monaco en basket jouera le match 5 de son quart de finale de EuroLeague face à Fenerbahçe à 19h pour tenter de se qualifier pour le Final Four de cette EuroLeague. Jeudi, Bayer Leverkusen à Roma et bien sûr Atalanta Bergame Marseille. Ce sera sur M6 bien entendu ou Canal+. Et puis pour Leverkusen Roma, RMC Sport 1. Les matchs à 21h donc. Et puis Olympiakos Villa pour le match retour de l'autre match retour de Conference League. Voilà ce qui vous attend jeudi. Et puis, but de la casette. Oh là là, incroyable. Est-ce qu'il est pas hors jeu? Il était avancé, non? J'ai levé la tête au moment du but. Ah, tu l'avais un peu en avant, je crois, ton but. J'ai pas eu le temps de le voir. Bah c'est fou ce scénario, il est dingue. Pour l'instant. Ah, mais à chaque fois, il dit qu'il faut faire attention après chaque but, les 3 minutes d'après. Et bah tiens. Et on l'a vu là plusieurs fois d'affilée, mais on va voir le ralenti, si potentiellement on a un hors-jeu ou pas. Quand il y a un centre, pour l'instant personne n'est hors-jeu, peut-être un peu la casette. Ah ouais, ça va être limite. Hein. Peut-être. Il n'y a pas eu de contestation du tout chez les joueurs, mais il paraissait un tout petit peu avancé. Ah, le petit but en demi-volée, c'est toujours beau, ça. Moi, je trouve que, comme tu dis, il n'y a pas eu de... Ouais, personne n'a réclamé quoi que ce soit. Alors là, on va bien le voir. Ah, là, il part vraiment, vraiment juste. Est-ce que ça va suffire? Il n'a même pas été checké. Bon, enfin, je comprends pas. C'était plus large et on n'a rien dit. Et on a mis 2 heures et là, c'est que ça devait être... Non, mais c'est vrai, comme tu dis, aucun joueur lillois n'a protesté. Mais déjà, sur le deuxième but de Lyon tout à l'heure, j'ai trouvé les Lillois vite abattus et au sol, comme si c'était, alors soit comme si c'était fatigué physiquement et mentalement, je sais pas, mais ça m'a fait un peu la même chose là sur le but là. Ouais. Donc je sais pas s'il y a un peu de fatigue aussi côté Lillois, mais en tout cas ça fait 3-3 là, 90e. Gros match, une grosse fin de match. Hein. Ouais, grosse fin de match à en jeu. Vendredi, on aura rendez-vous avec le début de la Ligue 1, Brest, Reims, Nice, Le Havre notamment, et toute la avant-dernière journée de Ligue 2. On aura aussi d'autres matchs en Europe. Il y aura l'USO face au Red Star. Ce sera donc à 21h vendredi à la source pour tenter d'aller se maintenir cette fois-ci face au leader, face au champion quasiment de cette nationale. Samedi ensuite, il n'y aura pas de Ligue 1 samedi. C'est toute l'Angleterre. Fulham City notamment qui aura lieu. 7 minutes. Ah oui, il y a eu beaucoup de VAR. Hein. Ah ouais, il y a eu pas mal de VAR. Donc City qui démarra à 13h30 pour l'ouvrir la journée et être le premier à jouer avant Arsenal. Il y aura aussi l'Espagne notamment. Il y aura l'Allemagne. Il y aura l'Italie aussi. Voilà, il y aura pas mal de matchs. Tout se passe samedi globalement. Début du journée de top 14 aussi en rugby. Et puis la dernière journée de Betclic Elite en basket qui se jouera à la première division et aussi dernière journée pour l'OLB pour Orléans. Ce sera vendredi à 20h face à Aix à domicile à la Comet Arena pour finir cette saison régulière et attaquer ensuite les playoffs. Voilà ce qui nous attend. Et puis autre chose en handball pour Saran, un match important avec ce sera vendredi, ça c'est la dernière journée, ce sera... Oh le but! Oh là là, incroyable! Et le but de Lyon! 4-3 pour Lyon! Oh la folie! Incroyable cette fin de match! On a bien fait de rester! Dit, les Lillois, on les sent fatigués! Hein. On les sent très fatigués. Et ouais, ils vont peut-être tout perdre sur cette fin de match. Et t'es en train de prendre un point important, toi! Avec ouais, parfait ça! très très bien. Incroyable. Incroyable. J'ai pas vu que c'était côté droit, mais il était tout seul. Il avait l'aile droite à lui tout seul, le joueur lyonnais. Et il peut centrer tranquillement. J'arrive pas à voir qui c'est. C'est Mata, Clinton Mata, qui peut ajuster son centre et une belle tête bien puissante de Mama Baldé au premier poteau. Et Chevalier la touche. Il la touche encore. Il est dessus, ouais. Hein, la manchette, mais ça n'a pas suffi. Ouais, ah oui, il peut presque être. Enfin. Presque tout ce que je sais pas, mais. Ouais, l'angle est mal fermé, quoi. Enfin, on va dire ça comme ça, mais c'est une belle tête aussi piquée, ouais. Et forte, puissante de Mama Baldé. Hein, ça fait 4-3 pour Lyon. Incroyable scénario. Il reste 5 minutes encore. Ça peut encore bouger, hein, ça peut encore bouger. Mais j'ai l'impression que ça les a complètement tués. Ah, le LOSC, ils ont l'air abattus. Ouais, c'est un match compliqué pour eux. Alors qu'ils venaient tranquillement 2-0. Ouais. Et là, ils sont en train de complètement perdre pied. Et alors, je sais pas ce qui s'est passé. La casette, il. Non, je pense que c'est juste des consignes. Oui, donc je disais, ça rend des déplacements à Chambéry vendredi à 20h pour chercher peut-être des points précieux pour le maintien. Voilà donc ce qui nous attend aussi. Ce week-end en handball. Et puis pour finir, retour de la MotoGP, ce Grand Prix de France dimanche au Mans. Voilà, donc dimanche ce nouveau rendez-vous, et aussi le retour du rallye, champion du monde des rallyes, un rallye au Portugal à partir de jeudi jusqu'à donc dimanche. Voilà, et puis du tennis toute la semaine, tournoi de Rome, Master 1000 de Rome, dernière répétition avant Roland Garros, retour de Novak Djokovic aux affaires et présence aussi de Rafael Nadal. En revanche, pas de Yannick Sinner, pas de Alcaraz qui seront forfaits. Voilà ce qui nous attend cette semaine, encore plein de choses à voir, plein de foot, plein d'enjeux. Et on va rester avec ce Lille-Lyon. Il reste quelques petites minutes, donc on va le suivre jusqu'au bout cette rencontre. Alors qu'il y a un carton là pour Lenny Yoro, carton jaune à la suite. À la suite. Je pense qu'il y a Tatar qui a pris un coup de protège-tilleur. Un peu, pied un peu, ouais, qui était complètement. Ouais. Alors, du coup, on va encore gratter quelques secondes du côté de Lyon. Ça va être, bien sûr, décompté. Il va rester encore un petit peu de temps. Voilà le programme. Donc, je vous le disais, pas mal de choses encore. Et puis, le Giro, deuxième semaine du Giro, Tour d'Italie, avec Pogacar pour l'instant, toujours en tête après 4 étapes. Voilà, donc on va suivre cette fin de match jusqu'au bout, et puis on va se quitter avec ça. On va commenter cette petite fin de match. Il reste quoi, 4 minutes, 3 minutes, 3 petites minutes. Ça serait un succès vraiment important pour Lyon, hein, avant évidemment le match de retard de Marseille. Pour l'instant, ça leur permettrait bien d'être 7e avec 47 points. Et voilà, de passer devant Rennes, hein. Ça c'est vraiment et pour peu que Rennes batte Lens ce week-end et que Lyon gagne, Lyon pourrait être 6e, hein, ce week-end. Ça pourrait être fou, hein. Ah bah c'est une fois la remontée qu'ils nous ont fait, hein. On le dit chaque semaine, mais c'est vrai que c'est très très impressionnant, hein. En réalité le travail des joueurs et de Pierre Sage, surtout sur le banc, c'est assez admirable, hein. Enfin c'est admirable, il n'y a rien à dire. Ouais, Lyon qui peut espérer beaucoup, hein. Il peut peut-être même plus que 6e, hein. À savoir. C'est si Nice s'écroule, bon, on n'en est pas là, mais ça peut encore se faire. Ouais. Allez, on va suivre. Il reste 2 minutes, 2 minutes pour espérer rester ce score. Tiens, puis juste pour finir, puisqu'on parle de Ligue 1, les droits télé de Ligue 1 ne sont pas toujours pas joués. Hein, Canal Plus qui sera toujours en bonne voie pour acquérir complètement ses droits. Ils lancent pas d'offensive non plus. Enfin, ils sont. Ils restent un peu, ouais, c'est ça. Ouais, ils restent en retrait, Canal Plus quand même. C'est ouais, ça. Ils attendent le truc venir, quoi. Et Beansport qui serait aussi en position pour essayer de récupérer aussi des matchs, hein. Donc, en tout cas pour Prime. Ils sont partenaires, de toute façon, ces deux chaînes-là. Ils peuvent faire un bouquet, faire un accord entre eux. C'est voilà, ça. Mais... Pour Prime, ce qui est sûr, ce sera fini, hein. Pour Prime Vidéo, là, ce sera l'un des derniers matchs qu'on voit ce soir. Et après, il faudra repasser par Canal et probablement Bein. Voilà, on va tranquillement attendre cette fin de match. On est dans la dernière minute. Lopez qui donc dégage le ballon. Ça va être redégagé par la défense illoise. Ça va vite remonter. Oh là, attention, parce qu'il y a un ballon à droite. Ah, ça va être récupéré. Ouais, c'est mal joué ça. Ça va être récupéré. Et tiens, un dernier titre pour finir. Ça te laisse quelques secondes pour le choisir. Je me disais que je propose rarement d'artistes féminines, donc on va prendre un classique de Rihanna, Don't Stop the Music. Allez, et ben on prépare tout ça pour finir. Alors, il reste 10 secondes hein, dans ce temps additionnel. Et donc, Lyon qui dirige vers une victoire, hein, 4-3 dans ce match à rebondissement. Fou. Ouais. Dans ce match fou, ouais, c'est clair. Voilà, un match ouvert avec beaucoup de buts, comme on le disait tout à l'heure, en parlant de la Bundesliga, etc. Bah ouais. Et c'est des matchs plaisants, hein, voilà, on vibre hein, sur ces matchs-là, même quand on n'est pas forcément supporter d'une des deux équipes. Donc, c'est plaisant à suivre. On a dépassé hein, les 7 minutes de temps additionnel. Et voilà, il y a une touche pour l'instant pour Lyon. Bon, je te rajoute un petit point. Je te rajoute un petit point. Normalement. Ah ouais, j'espère bien. Ouais, j'aurais bien voulu le rajouter. Je l'ai eu un petit peu. Je l'ai eu quelques secondes, quelques minutes. Mais là, à mon avis. Cherki qui va temporiser. Est-ce qu'il y a une faute? Dernière faute. Est-ce qu'on va attendre de jouer? Il y a eu un peu de temps de gratter tout à l'heure. On va le jouer. On va pas attendre de jouer. Ouais. Enfin, jouer vite devant. Hein. Jouer très très vite. Ça monte pas assez. Ça va être compliqué. On n'y croit pas. C'est fini aussi pour Crystal Palace United, victoire 4-0 de Crystal Palace. Score final. Ce soit peut-être une dernière pour Lille. Qui... Allez, est-ce qu'il y aura une faute? Non, c'est fini. Donc, voilà. Belle victoire de Lyon qui revient devant Rennes. C'est fou hein, ce qui s'est passé. Lille, Lille qui est grand perdant de cette journée, qui du coup reste quatrième à un petit point de Brest. Donc c'est dommage pour Lille là, qui a vraiment perdu l'occasion, là, une belle occasion. C'est un match qu'ils vont regretter. Hein, ouais. À la fin de saison. C'est vrai. Et donc 5 points. Et pour Monaco, c'est une belle nouvelle. Ça permet d'avoir 5 points d'avance maintenant sur Lille, avec deux matchs à jouer. Donc plus que jamais, les Monégasques, ils sont quasiment en Ligue des Champions maintenant. Lille qui est pas en bonne position. Voilà, bon, on va se quitter sur ces images de victoire des Lillois, des Lensois, des Lyonnais. Sur ces images que l'on n'a pas d'ailleurs. Hein. Que l'on n'a pas d'ailleurs, c'est ça. Sur ces commentaires, voilà, de victoire des Lyonnais. Et on va se quitter avec Rihanna. Donc, et on se retrouve donc lundi prochain, même heure, 20h30. 22h30 pour débriefer cette demi-finale retour. On a hâte d'y être demain, à mercredi, à jeudi, et avoir des bonnes nouvelles, j'espère, on l'espère. Et on va remercier Hugo et on se retrouve donc lundi prochain. Merci à vous, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, ouais, pour la fidélité. Ce qui t'a écrit Anna donc, et nous on se dit à lundi, même heure, même fréquence, et même pomme. Allez, bonne semaine. Vivez le sport. Ciao. Portez-vous bien. E atingissem um patamar de justiça para com os polícias, que é aquele que tem sido divulgado, ou seja, uma paridade com aquele diploma que já foi aprovado até para a Polícia Judiciária, no sentido de compensar a exigência da profissão no que diz respeito ao risco, penosidade e insalubridade. José Barros Correia, desde setembro diretor nacional da PSP, é substituído por Luís Ribeiro Carrilho, até agora comandante da Unidade Especial de Polícia. Os doentes do Hospital de Ponta Delgada estão a ser transferidos para as urgências do Hospital CUF na Ilha de São Miguel e também para as urgências de vários centros de saúde da ilha. O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, pede tranquilidade aos doentes e às famílias e garante que se está a fazer tudo para responder a uma situação difícil. Nós vamos fazer esse levantamento das necessidades, também perceber a capacidade de recepcionar e instalar aqui o hospital de campanha. Amanhã é compromisso do Conselho de Administração darem a informação das necessidades para